Bonjour à toutes et à tous, on est enfin pour ce podcast que vous attendez depuis un petit moment parce qu'on vous l'a teasé, on vous l'a re-teasé encore une fois, il y a eu des problèmes de planning etc. Mais bon, maintenant on y est enfin, c'est le podcast spécial Halloween. Donc pour la sortie du dernier film Halloween, on a décidé vous parler un peu de la saga dans son intégralité. Je vais me présenter rapidement si c'est le premier podcast que vous écoutez du podcast Movies Nerd. Donc je suis Axel, je suis un des hôtes de ce podcast et j'ai avec moi un de mes co-hôtes habituels, donc Morgan. Salut. Bonjour. Comment tu vas? Bah ça va bien, c'est juste que c'est marrant parce que podcast spécial Halloween, on est le 25 novembre, tout va bien. Oui, non, mais... Il m'a grillé. Voilà. Ouais. Mais en même temps, je me suis dit c'est peut-être mieux qu'on attende un petit peu que tout le monde ait pu voir le film parce que de toute façon on va spoiler le dernier qui est sorti. Donc du coup, je préfère que tout le monde ait vu le film et puis... Puis comme ça, ça prépare pour le podcast spécial Noël qu'on fera le 8 mai. Voilà. Exactement, tout est calculé. La deuxième voix que vous avez pu entendre, c'est un invité que vous connaissez puisqu'il a participé à différents podcasts, Movies Nerd, Parlons Cinéma, et c'est son premier hors-série saga, et on est content de le recevoir, c'est Adrien, salut. Oui, bonjour à tous. Comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien, je suis un peu énervé parce que Morgan il m'a vraiment grillé ma réplique, j'allais dire que j'étais content de faire le spécial Halloween avec vous pour Noël, ouais. Mais bon voilà, donc je vais juste te dire que je suis très content d'être là. Bon bah c'est pareil, c'est réciproque on va dire, ça faisait longtemps qu'on voulait le faire, on l'avait prévu quand même depuis un petit moment. Le sommaire de cette émission, ça va être un peu différent des hors-série saga, si vous avez déjà entendu les autres qui étaient sur la Belle et la Bête, Mission Impossible, etc. Où on parlait de film en film. Là, on va faire une discussion plus générale parce que on va s'attaquer quand même à 11 films en tout. La saga Halloween comporte 11 films, donc c'est préférable qu'on fasse une discussion qui incorpore tous les films plutôt que de détailler nos avis sur chacun des films. C'est peut-être même pas très intéressant aussi, donc ce sera plus intéressant sous forme de discussion, et on commencera en fait cette émission avec notre découverte à chacun de la saga, par quel film on a commencé, voilà. Et aussi, après on fera cette discussion, et si on a un peu de temps, j'espère qu'on pourra le faire, on fera soit un top 3, soit un top 13, comme il a été prévu, 11, un top 11 du coup des films Halloween, mais ça ce sera pour la fin de ce podcast, voilà. Donc j'ai annoncé tout ce qu'il fallait, et on va commencer tout de suite, j'ai envie de commencer avec Adrien. Du coup, toi comment tu as découvert la saga Halloween? Par quel film t'as commencé? Ouais, alors moi c'est un peu compliqué parce que mon premier vrai film d'horreur c'était aussi la trilogie dorée du slasher, mais c'était le pire puisque c'était Vendredi 13. Ouais. Horrible. Donc voilà, t'imagines, j'ai découvert le slasher par là. Ça m'avait plu quand même parce que c'était le premier, mais c'est vrai que j'aspirais à plus peut-être de qualité. Non, c'est clair que si tu passes par Freddy et Halloween, c'est. Ouais, c'est ça. Et donc j'ai découvert en brocante un DVD appelé Halloween 2 par Rick Rosenthal. Et donc c'est le premier Halloween que j'ai vu, que vous me dites. Oh punaise. Mais voilà, ça m'avait pas mal plu parce que le masque et la présence du méchant de Shape, comme on l'appelle notamment dans le dernier film, Myers, c'est vrai que m'avait beaucoup plu, et donc finalement, de fil en aiguille, j'ai fini par voir le premier, et là, vraiment, à m'intéresser, et à tous les voir à la suite, à mes risques et périls. Donc voilà, deuxième film. Ok, d'accord. Morgan ? Alors moi, c'était, je crois, à l'âge de... je devais avoir 12 ans. C'était par Halloween, 20 ans après, il revient. Ouais. Mon père l'avait loué en VHS à l'époque, parce que ça a été un événement, ce film-là, mine de rien. Bah oui, c'est clair, le retour de Jamie Lee Curtis. Ouais, le retour de... le premier retour. Le premier, oui, j'en ai eu plusieurs, voilà. Avant de mourir dans le suivant et de revenir après. Voilà. Mais j'avais commencé par celui-là et j'avais énormément aimé. Ouais. D'ailleurs, pour la petite anecdote, vous aurez reconnu Joseph Gordon-Levitt au tout début. Oui, Voilà. Absolument. Et un caméo de Janet Leigh. Oui. Exactement. Qui joue dans, voilà, qui joue, enfin, la maman de Jamie Lee Curtis, qu'on a vu, entre autres, chez ce cher bon vieux Alfred Hitchcock dans Psychose. Et donc j'avais commencé par celui-là et j'avais beaucoup aimé et même en le revoyant je l'aime beaucoup. On en parlera je pense. Et ensuite voilà, j'avais attaqué le premier parce qu'il y avait un moment qui m'avait marqué pendant mon visionnage. Je me souviens de mon père qui m'avait dit ça c'est dans le premier film, c'est la fameuse scène où elle est dans l'armoire. Ouais, dans le placard, ouais, dans le placard, voilà, et elle se rappelle ça en souvenir. Enfin, elle en fait un cauchemar. Ouais, ouais. Et ce moment-là m'avait traumatisé, alors que c'était un souvenir remontré dans Halloween 20 ans après. Ouais. Donc, j'avais vu le premier Halloween de Carpenter, sauf qu'il avait vraiment pas fait effet sur moi, parce que à 13 ans, ce film-là, Halloween est un film qui peut avoir mal vieilli. Je peux comprendre. Je oui, l'ai fait découvrir il n'y a pas longtemps. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et franchement, à 13 ans, je pense pas qu'on puisse être armé, pour cerner un peu toute l'ingéniosité du truc, parce que moi j'avais été baigné avec les Scream, avec les Freddy, et c'est vrai que le Halloween peut paraître un petit peu terne et un petit peu lent, pour ne pas dire chiant, quand on le voit à 13 ans. Mais je l'ai revu quelques années plus tard, et je le dis, hein, dans mon top, c'est mon préféré, oui, hein, je vais y aller direct, hein, voilà, c'est mon préféré, c'est le meilleur de tous. Voilà. Ouais, ouais. C'est mon slasher préféré de l'histoire. Ah, oui, j'ai pas dit l'âge, ouais, je devais avoir 13-14 ans pareil quand j'ai vu Halloween 2. Hein. Ouais. C'était la semaine dernière donc. Ok. Moi c'était un peu plus tard quand même, c'était vers mes 16-17 ans on va dire, où j'ai découvert le premier Halloween que j'avais acheté en DVD, du coup de John Carpenter. Ça a été un énorme choc visuel, etc. Mais après, du coup, j'avais pas vu du tout les suites. En fait, je pensais avoir vu le 2, mais en les découvrant du coup pour ce podcast, j'avais pas vu les suites. Donc, j'ai complètement redécouvert pour ce podcast. Ça veut dire que pendant un mois, je me suis tapé 10 Halloween. Voilà. Je me suis revu le premier, bien sûr, par plaisir. Et je m'en suis tapé certains et j'ai découvert plus par plaisir d'autres. Mais voilà. Ouais, la grande majorité, c'est des purges, hein, faut le dire. Il y a. Ouais. donc, oui, non, c'est vrai, il y a quelques mauvais films. Et du coup, voilà. Non, mais voilà. Halloween, c'est un de mes films d'horreur préférés. Le premier de John Carpenter, c'est clairement. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Et voilà, je pense pas qu'on ait fait mieux en termes de slasher. Alors, je sais que derrière, il y a toute une génération qui dit Scream. Ou alors. Enfin voilà, pour moi, Halloween, c'est vraiment quelque chose de particulier. C'est une ambiance vraiment très particulière qui n'a jamais réussi à être créée. Ils ont essayé pourtant, mais à travers les différentes itérations. Mais je pense que l'ambiance de ce premier film, c'est quelque chose qui est difficile à retrouver dans d'autres films par la suite. L'ambiance, et ça, moi, ce qui me marque encore, je l'ai revu avant de voir le tout dernier. C'est la première fois où j'ai peur devant des scènes de jour. Ouais. C'est normalement les slashers, c'est la nuit, tout ce qui est Scream, Halloween, pas Halloween, Freddy, pardon, ouais. Vendredi 13, tout ça. C'est voilà, c'est une ambiance nocturne. Mais là, Vendredi 13, pas vraiment. Vendredi 13, c'est beaucoup de jours. Hein. Dans mes souvenirs. Dans le premier, tu parles. Le premier. Ouais, parce que les autres, c'est que la nuit. Hein. Mmh. Et... Ouais. Ouais. Sauf Jason X, c'est dans l'espace. Oh, on vous fera une hors-série sur Jason un jour. C'est ça. Ah oh, bah là, c'est pas difficile, il y a que des dos. Ah ouais, mais on a plein de bons, hein. C'est incroyable. C'est ça qui me marque dans le premier Halloween. C'est vraiment, c'est un film qui me fout la fout les chocottes alors que ça se passe deux jours. Et en plus, le croque-mitaine, comme on l'appelle dans la VF. D'ailleurs, la VF est abominable, hein. Michel Meilleur, Ah ouais, non, mais même pas qu'elle a vieilli, même à l'époque, enfin, même je trouve que les acteurs français qui doublent sont mauvais comme des cochons. Mm-hmm. C'est horrible. Et donc, honnêtement, moi qui suis pro VF des vieux films d'horreur, Halloween 1, regardez-le en VO. Mais alors que Myers, il est suggéré chaque apparition de Michael Myers, on le voit au loin, on voit que son buste, tout ça. Mais ça suscite une angoisse, mais, que je ressens encore, même si je revois le film 15 fois d'affilée, j'ai toujours cette appréhension-là. Il y a une ambiance très particulière. C'est vraiment un film à part, le premier Halloween. Mm-hmm. Puis la musique, alors là. Oui, la musique joue un grand rôle sur tous les films de la saga. Enfin, peut-être pas tous, parce que bon, il y a aussi les grosses merdes, mais y a les films les plus importants, je trouve que la musique a un grand rôle, et plus que dans d'autres slashers d'ailleurs. Mais il pourrait faire 15 000 Halloween. Moi, en fait, mon plaisir, et je le dis, d'aller voir le dernier, enfin d'avoir été voir le dernier Halloween, c'était oui, peut-être pour le retour de Jamie Curtis, mais c'était pour réentendre ce générique, réentendre la musique. Pour moi, je pense que c'est la meilleure musique de film d'horreur que j'ai entendue. Ouais. Elle a quelque chose de, elle a un côté flippant et badass à la fois. Je sais pas comment l'expliquer, mais voilà. Ouais, c'est clair. On continue du coup dans la discussion. On va peut-être prendre comme base le premier Halloween, puisque après, ça va être compliqué aussi d'expliquer les différentes branches de l'histoire qui, avec les différents films, en fait, puisque certains films ne prennent pas en compte le Halloween 2, par exemple, c'est le cas du dernier. C'est vraiment compliqué. Le H20 prend en compte le 2, mais pas le 4, ni le 5, ni le 6. Ah bon? Oui. Bon. Oh là là. Oui, c'est. Puisque dans H4, enfin Halloween 4, Jamie Lee Curtis est morte. Puisque c'est la mère de la petite fille d'où j'oublie le nom. D'accord, oui. Voilà. En fait, la plupart des personnages apparaissent et disparaissent en fonction de la suite. Ce qui fait qu'en fait, c'est pas tellement qu'ils prennent pas en compte les films d'avant, c'est qu'on sait jamais tellement dans quelle temporalité on se place. Parce qu'il y a beaucoup de personnages qui apparaissent et disparaissent. On ne dit même pas qu'ils sont morts, on n'en entend juste plus parler. Donc il n'y a vraiment pas moyen de savoir. Laurie Strode, dans le 4, on dit qu'elle est morte. Hein. Oui, c'est bon. Donc, je crois que Laurie Strode, c'est le personnage de fiction qui est le plus mort et qui est ressuscité. Ouais, c'est la. Voilà, elle est. C'est incroyable. Mais je me rappelais plus, moi, que dans le 4, qu'elle était morte. D'ailleurs, il va falloir peut-être aussi faire un petit bilan à un moment donné pour expliquer, en gros, même par rapport au Halloween de Rob Zombie aussi, qui sont encore deux films très à part, mais qui sont très intéressants. Autant j'aime pas le Halloween 2 de Rob Zombie. Parce que c'est du Rob Zombie je le déteste, en fait. Rob Zombie, je peux l'adorer comme le détester, mais il fait tout ce que je déteste dans son Halloween 2. Je pense que c'est son film le plus personnel, mais c'est pour ça que l'aime moins. Ah oui, c'est meilleur, mais bon, ouais. Par contre, le premier Halloween qu'il avait fait était très intéressant. Était un beau... c'était un bel exercice de style, mais je trouvais que lui aussi, il avait tendance un petit peu... Pardonnez-moi du terme, à chier un peu sur la mythologie de Michael Myers. Wow. Et j'en ai un petit peu marre, justement, et c'est pas le seul concerné d'ailleurs, hein, c'est aussi le défaut que je reproche au dernier. C'est qu'ils sont vraiment pas cohérents, quoi. Alors, certes, on fait l'impasse sur les films d'avant, mais même par rapport au premier film, par exemple, je trouve que le personnage de Laurie Strode qu'on avait vu dans le premier film et qu'on voit là, ok, il y a une évolution, mais à aucun moment je me dis que c'est la Laurie Strode que j'ai connue. C'est le même personnage, ouais. Pour moi, il y a une distinction quand même qui est essentielle à faire entre les Halloween de Rob Zombie, le dernier, et les autres. C'est que les Halloween de Rob Zombie ne se situent en aucun cas, quel que soit le personnage, quelle que soit l'intrigue, dans la continuité des autres. Oui, voilà. C'est pas les mêmes personnages. C'est une réinterprétation. C'est ce qu'on appelle un remake. C'est pas les mêmes personnages à ce niveau-là, pour moi. Il n'est tenu d'aucune cohérence. La Laurie Strode de Rob Zombie, moi je l'aime beaucoup. Hein. Absolument, pour moi il fait absolument ce qu'il veut, et s'il veut faire de Laurie Strode d'un autre personnage, il a le droit de le faire. Pour moi c'est très différent, par exemple, du dernier Halloween, où effectivement, notamment, on pourra en reparler, mais en termes de ton, je le trouvais parfois assez incohérent avec les autres, mais même si je l'aime beaucoup le film au-delà de ça. Mais c'est vrai que les Halloween de Rob Zombie, pour moi, ils ne sont tenus d'aucune cohérence, sinon peut-être thématique, mais c'est tout, tout simplement parce que c'est pas la même série, c'est pas les mêmes, la même histoire, ni vraiment les mêmes personnages. Oui, bien sûr. Oui, mais moi, ce que je reproche au film de Rob Zombie, alors, le premier Halloween de Rob Zombie, je suis d'accord, il y a une réinterprétation du truc, mais la deuxième partie, pour moi, c'est clairement un remake, parce qu'on retrouve des moments clés, par exemple, le passage où Myers est sous le drap et tout, on le retrouve, il me semble, dans le. Oui, mais c'est pas de la continuité, zombie, c'est une réinterprétation. Non, c'est pas la continuité, voilà. C'est un véritable remake, hein. Oui, c'est des images d'Épinal qui reprend, c'est pas de la continuité. Non, bien sûr, c'est un remake, mais je trouve que je parlais de cohérence. Je trouve que ce qu'il fait de son remake Rob Zombie, autant la première partie j'aime beaucoup, parce que ça me plaît justement de voir d'où est né Michael Myers, parce que dans le tout premier Halloween, surtout, Michael Myers. On lui donne une certaine âme, on va dire. Alors que. Oui, mais c'est ça justement qui. C'est qui, ça qui peut qui déranger, me... je trouve, mais c'est qui, ça qui que me dérange. Je trouve aussi intéressant en fait, comme parce démarche. Que... Mais parce que Myers, que ce soit dans le premier film ou que ce soit dans la deuxième partie du film de Rob Zombie, on dit que c'est le mal absolu. C'est comme ça, il est né comme ça, tout ça. Alors que la première partie te dit, mais non, en fait, il n'est pas né en tant que mal absolu, c'est pas un monstre sanguinaire de naissance. Il est devenu comme ça. Pourquoi ? Parce qu'à l'école, Loomis, qui dans le film, a une. Contrairement aux. C'est peut-être ça qui gêne. Mais Loomis, contrairement aux Halloween originaux, où c'est un espèce de. Voilà, de figure sage et machin. Dans les films de Rob Zombie, c'est quand même un espèce de connard qui fait tout pour le fric. Donc la parole de Loomis quand il dit mal absolu machin, c'est clairement montré par la mise en scène et par les propos de Loomis comme de la frime. Mm-hmm. Loomis c'est pas du tout une figure de sagesse, c'est une figure d'information dans le Halloween de Rob Zombie. Donc quand il dit Myers c'est mal absolu, c'est parce qu'il vend son bouquin, c'est pas du tout parce que Myers c'est vraiment mal absolu. C'est pas le même ton du tout, si tu veux, c'est pas du tout le même message ni le même propos que les Halloween originaux où Myers parle notamment le fait qu'il n'avait pas d'humanité est-elle mal absolue. C'est pour ça qu'Halloween 6 c'est une dope d'ailleurs, parce qu'il essayait d'apporter des éléments mythologie là où il y avait aucune raison de le faire. Ouais, lesquels, parce que je l'ai pas vu le Halloween 6. Halloween 6 c'est vraiment comme on disait, enfin c'est vraiment une des pires un des pires films de la saga. C'est le pire, il y a pas de mots. Dès le début, on nous balance des. En fait, Michael Myers, il est contrôlé par une secte. Voilà. C'est le principe du film. Et du coup. D'accord. Il y a une histoire de viol aussi, ou je sais pas quoi. Enfin, il y a une histoire de viol. Bref. Et du coup, je vais avoir un mal fou à replacer les noms parce que je les ai vus. à la suite. Même moi, alors, la petite fille dans le Halloween 4. Et le Halloween 5 a grandi et a été enfermé par cette secte puisqu'à la fin du 5 cette secte en fait va récupérer la petite fille dans la station de police qui est en feu il me semble et du coup la secte la récupère et on prend au début de Halloween 6 avec elle qui a grandi et qui a donné naissance à l'intérieur de cette secte, on ne sait pas par quel moyen, à un enfant, et cet enfant va être ce que les protagonistes vont essayer de protéger de Michael Myers qui s'est échappé de la secte pour aller tuer cet enfant. Voilà. c'est pour faire simple. Il faut savoir que le master du film, parce qu'il était très difficile à trouver en France, est ressorti il y a un ou deux ans, je crois que c'est Canal, mais je suis pas sûr. Si c'est ce Canal, c'est ça. Et alors moi j'avais vraiment dépensé très cher, j'avais dépensé je sais pas 20-25 balles pour l'avoir le jour même de la sortie, j'avais jamais vu, tu vois. Et alors je rentre la galette dans le lecteur et je regarde ce truc. Mais alors sans qualité, je crois qu'il y a Paul Rudd même dans le film. Il y a Paul Rudd. Voilà, Paul Rudd dans un des rôles principaux. Pour dire. On pourrait penser que c'est Ant-Man, mais c'est pas du tout le pire film qu'il a fait. Paul Rudd, il interprète Tommy Doyle, qui est le petit que Laurie Strode gardait. Dans le premier, c'est ça. Et du coup, il a grandi et c'est devenu un psychopathe qui est, enfin, pas un psychopathe, mais c'est devenu quelqu'un qui est super intéressé par les théories du complot, etc. Et du coup, c'est lui qui va protéger cet enfant. Et en même temps, c'est un gros pervers, voilà, parce que tu le vois mater en face. Voilà, c'est ça. Tout ça pour te dire que rétrospectivement, non seulement le projet il est absurde, mais en plus, on sait que pendant. Mais je sais pas si on empiète pas un peu sur la deuxième partie, mais c'est vrai qu'en termes de projet, on sera peut-être amené d'y revenir parce que je me suis intéressé de très près à la manière dont ont été faits les films. Enfin, le sixième, il y a eu 10 000 cuts oui. différents, il y a eu. Oui, oui, il y a deux cuts différents d'ailleurs. En fait, ouais. ils ont écrit le scénario et au fur et à mesure du tournage, ils ont modifié le scénario parce que ça rentrait pas dans le budget et ils diminuaient le budget au fur et à mesure du tournage en fait. Et ça se voit très bien à la fin, voilà, qui est, ça, un, qui est n'importe c'est quoi. C'est tu vois les comme film. Les ouais. incohérences de montage qui s'enchaînent, et enfin montage et histoire, hein, puisque bon, voilà, mais c'est complètement n'importe quoi. On se retrouve dans une espèce d'hôpital où Michael Myers essaye de choper cet enfant avec. Ouais, je crois qu'il y a une dizaine d'unités de Dieu dans le film en tout. Enfin, ouais, c'est vraiment c'est le ça. bazar, ça ouais, se passe jamais au même endroit. Il y a plusieurs temporalités différentes. Enfin, vraiment, c'est non seulement c'est mauvais, parce qu'en plus ouais. c'est mauvais, c'est mal réalisé, c'est mal joué, c'est mal écrit, mais en plus c'est incompréhensible. C'est un oui. film qui est incompréhensible. J'ai été voir un peu sur Wikipédia les résumés qu'ils en faisaient. C'est un film qui n'est pas résumable, quoi. Ça passe de tout à rien, quoi. Oui, ouais, c'est vraiment. Enfin, moi, je le conseille vraiment comme objet d'étude pour comprendre comment un film peut devenir n'importe quoi. C'est vraiment. Celui-ci, c'est vraiment un cas d'école. C'est spectaculaire, ouais. quoi. C'est vraiment spectaculaire. Mais, ouais, enfin, moi, je pensais. Enfin, si, comme tu parlais du fait que tu as acheté le Halloween 6, moi, j'ai dépensé 80 € pour une édition qui est assez rare à trouver de tous les Halloween en Blu-ray. Mais c'est que en zone 1, donc États-Unis, etc. Voilà, mon pote, t'as dépensé ouais. 80 € pour un film, quoi, vas-y. Non, mais pour le Halloween 5 et 4 et 3 qui sont pas disponibles en Blu-ray. Ouais. Et donc voilà, bon, je regrette peut-être un petit peu, mais. Moi j'ai les éditions DVD parce que Blu-ray pour moi ça valait pas le coup. Ouais. En termes d'image, il n'y a pas d'apport, à part pour le premier. Oui, le premier est vraiment impressionnant en Blu-ray. Ouais. Mais bon, voilà, c'est pas la question, mais voilà. Oui, donc le Halloween 6, c'est vraiment n'importe quoi. Voilà. J'arrive pas. Ce que je voudrais parler aussi du 2, de Halloween 2. Que je trouve la proposition très intéressante. Rosenthal ? Ouais, de Rosenthal. Okay, donc, c'est le premier film que tu as découvert, toi, Adrien. Toi, comment tu l'as pris, du coup est-ce que c'était cohérent quand tu l'as vu la première fois, du coup, ou pas ? Bah, écoute, si tu veux, je peux te le faire en deux parties. La première partie, à l'époque où je l'ai découvert sans rien savoir d'Halloween, ouais. c'est un film que j'ai plutôt apprécié. Je me souviens très bien d'une scène où Myers ouais. tue une gamine en lui mettant de la tête dans l'acide. Ah non, oui, c'est un bain brûlant. C'est un du bain brûlant. Il a augmenté la chaleur. Voilà, de l'eau, c'est ça. Pour... Ouais. Je me souviens très bien de cette séquence ouais. et je me souviens que ça m'avait plu. C'est aussi pour ça que j'ai voulu voir les autres. Mm-hmm. Parce que ça y avait tellement plu qu'il a refait la même le lendemain avec une pote à l'école. Ouais. Non, parce qu'en fait c'est ça qui est fascinant, c'est qu'en fait il est réalisé par Rosenthal et c'est aussi le réalisateur d'Halloween Résurrection. Oui. Et en fait tu vois bien, ouais, ça, tu c'est regardes, complètement dingue. En fait non mais en fait c'est pas dingue du tout en fait, parce que Halloween 2, on sait que Carpenter quand il a vu le Rosenthal, il a dit c'est pas possible, faut que je le refasse, et c'est ce qu'il a fait. Il y a beaucoup des meilleures scènes d'Halloween 2 sont en fait été retournées en sous-main par Carpenter. C'est lui qui s'occupe ouais, du scénario. Absolument, il s'occupe du scénario. Avec des brailles. Et il a réalisé, bien sûr, le premier film. Voilà. Et c'est pour ça que Halloween 2 a encore cette espèce d'un point de vue. C'est pas encore comme le 4 ou le 5, c'est pas encore totalement un téléfilm. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quand même un impact cinématographique, il y a des très très beaux plans, et il y a quand même une présence de Myers qu'on ressent. Alors oui, il y a des gros soucis parce que c'est dû au traitement de Rosenthal, qui est quand même d'une faiblesse absolue. On verra dans Résurrection plus tard que c'est pas un réalisateur, ce type. Il tient la caméra, c'est tout. Et, oh putain, avec ses trucs, avec ses caméras voilà. emportées là. Oh, voilà, quelle horreur. C'est ça. Et du coup, c'est vrai que ce film-là, alors maintenant rétrospectivement, bon, il est évidemment moins bon que le premier. Ouais. Encore heureux, c'est normal. Mais tu c'est sens vrai la que même... c'est le moins y pire y quand tu les as tous d'aura, vus ouais. c'est le moins pire parce que il y a quand même le côté Carpenter qui qui, je dis le moins pire de la saga originale, on pourra en parler des remakes plus tard, mais ouais. C'est vrai que c'est le dernier film où Carpenter a vraiment eu son mot à dire. Je serais peut-être amené à dire au fur et à mesure de l'émission ce qui s'est passé pour les autres films, mais c'est vrai que pour l'instant, Carpenter avait quand même encore beaucoup son mot à dire sur Halloween 2, et ça se ressent vraiment dans le visionnage. Donc c'est vrai que c'est un film qui est vraiment entre deux eaux, mais plutôt dans la bonne direction par rapport aux autres. Ouais, mais je trouve quand même qu'il y a, quand même des symptômes. Enfin, le film est pas très long, il fait genre 1h30, comme quasiment tous les Halloween, sauf ceux de Rob Zombie qui font 2h chacun. Ah, il s'est éclaté, Rob Zombie. Hein. Ouais. Mais moi, j'étais pas prêt à. Bon, j'ai bien aimé, hein, mais j'étais pas prêt à voir. Surtout que c'est brutal, c'est que le traitement, ouais. on en reparlera, ouais. Mais le traitement de zombie n'a rien à voir. Quoi. Mais je trouve que dans le 2, on ressent quand même. Enfin, il y a quand même des moments où on s'emmerde clairement. Alors, je trouve l'endroit, l'hôpital, c'est une super idée. Pour enfermer, c'est un espèce de huis clos, ouais, j'aime bien. Ah, mais c'est le principe de la suite de changer d'unité de lieu. Si tu changes pas d'unité de lieu, tu te fais bouffer. Là, c'est une bonne idée qu'ils ont eu. C'est pour ça, je fais une toute petite parenthèse, c'est pour ça que Freddy 2 est pas très bon, mais que le 3 est génial. Absolument, c'est aussi le changement d'unité de lieu, je suis tout à fait d'accord. Exactement, et voilà, ouais. Voilà, allez-y. Et j'aime bien Freddy 2, oui, donc du coup. Je trouve que en fait, alors c'est clair que c'est devenu un cliché maintenant, surtout depuis Scream, qu'il y a des ados qui sont idiots, etc., qui font n'importe quoi, ils font « ouh, le monstre », etc. Mais je trouve que dans le 1, ça se ressent pas encore trop la connerie, enfin l'absurdité des adolescents, et qui sont à peu près intelligents. Oui, ils sont intelligents, ils sont moins bêtes, mais voilà, ils sont moins bêtes. Elle va quand même se planquer dans le placard. Voilà. Ils ont quand même. Il y a quand même quelques stupidités déjà dans le premier film, mais c'est vrai que ça se voit beaucoup moins dans les suites. C'est ça. Ouais, je suis d'accord. Je trouve. J'irais pas jusqu'à dire qu'ils sont intelligents parce que non. Halloween a lancé ce trope des adolescents bêtes qui se font pourchasser. Voilà, Donc ils peuvent pas être intelligents, mais c'est vrai qu'ils sont moins évidemment débile que dans les suites. Exactement, voilà, c'est ce que je voulais dire. En fait, c'était pas qu'ils étaient plus intelligents spécialement, mais voilà. Et je trouve que justement, cette scène, bien qu'elle soit assez marrante à regarder, la scène du jacuzzi, je trouve que toute cette scène avec ce couple là qui. Ah, mais oui, mais attends, mais pour moi, c'est une madeleine. Hein. Je suis pas en train de dire que la scène est réussie, c'est juste que c'est le souvenir que j'ai d'Halloween 2. Après, non, mais bien sûr. C'est vrai qu'en termes de tension, ça fonctionne quand même un petit peu. C'est pas. Ah, oui, mais de toute façon, toute la chasse avec Laurie Strode dans l'hôpital, moi, je la trouve vraiment bien. Ouais. C'est peut-être pas au niveau de la tension, c'est peut-être pas. Zombie fera avec la même unité de lieu, il fera 10 000 fois mieux dans sa version avec la même unité de lieu de l'hôpital. Mais c'est vrai que. Mais que sachant pour que l'instant, c'était réussi. Sachant que dans le 2, c'est un rêve. On se fait un peu avoir quand même. Ah, oui. Parce que le fait que ce soit un rêve, ça m'a foutu un peu les nerfs. Parce que je trouvais ça intéressant. Ouais. C'est intéressant, mais ça m'a foutu un peu les nerfs parce que je me suis dit, putain, elle est tellement bien cette scène que j'aurais voulu que ce soit vrai. Quoi. Et c'est pas grave. Non, mais du coup, ouais, le 2, moi, je le trouve vraiment sympa, vraiment bon encore. Toi, Morgane, t'as quelque chose à rajouter sur le 2 ou... Alors, moi, le 2, le truc, c'est que je l'aime bien. Enfin, il est... C'est un des moins pires, on va dire. Je l'aime pour son ambiance. Mm-hmm. Mais je l'aime moins pour... Alors, il y a peut-être eu l'approbation de John Carpenter sur ça, mais je n'avais pas envie de ce twist, parce que c'est à partir du deuxième qu'on apprend que Michael Myers et Laurie Strode sont frères et sœurs. Ouais. On apprend leur lien de parenté. Oui. Et du coup, ça m'humanise un petit peu Michael Myers, et j'avais peut-être pas, par rapport au premier film de Carpenter, où là, je le voyais comme, je l'avais dit au début, la figure du mal qui se balade de maison en maison et qui tue, en gros, enfin, un espèce de danger exterminateur, comme ça. Là, on essaye de m'en développer un peu sa psychologie, et ça me dérange. Du coup, même si c'est pas incohérent en soi, parce que c'est logique, parce que bon, il court après elle durant tout le premier film. Et j'aime aussi l'idée que ce soit la suite directe. Ouais. J'aime beaucoup l'idée. C'est pas la suite qu'un an plus tard, tout va bien, il revient tout ça. Non, c'est la suite vraiment directe. C'est dans la même nuit. Ouais. Donc c'est la nuit du 31. Enfin voilà, c'est la continuité. Donc ça, en ça, c'est très intéressant. Mais j'ai eu du mal avec ce twist que je trouve, je le qualifie de foireux, j'exagère un petit peu, mais il sachant me que ça pas. Aura sa répercussion sur pas mal de la saga, du coup, ce tweet. Sur pas mal de la saga, dont Halloween 20 ans après elle revient, que j'aime beaucoup. Mais en fait, à la fois, c'est là où mon avis, c'est un peu de la schizophrénie, c'est que à la fois je n'aime pas l'idée, mais je n'arrive pas à voir au jour d'aujourd'hui, je n'arrive plus à voir Michael Myers et Laurie Strode comme deux personnes, qui n'ont rien à voir. C'est parfaitement normal. C'est parfaitement normal parce que c'est devenu un motif vraiment de la saga, cette relation. Et puis, ouais. Alors, je te trouve peut-être un peu sévère parce que. Je trouve pas ça inintéressant. Bon, je dis pas ça parce que c'est Carpenter et Hill qui l'ont écrit, hein. Je dis ça parce que je trouve qu'il y avait quand même une espèce d'incohérence à voir Michael Myers qui est pas du tout dans les relations de pouvoir avec ses victimes et qui tue vraiment parce qu'il les croise, quoi, tu vois. Ouais. Myers courir comme ça après une fille. C'est vrai que quand tu vois le premier film, tu vois que Carpenter avait forcément, on sait d'ailleurs qu'il avait déjà prévu qu'ils étaient frères et sœurs. Parce que ça paraît impensable que Myers perde son temps à courir après la fille pendant une bonne demi-heure de film, tu vois. Donc c'est vrai qu'en termes de cohérence, c'est même quasiment pas un twist. C'est vraiment dans la continuité du premier film, et je pense que ça a toujours été pensé comme tel. Après, est-ce que c'est pertinent ou pas? Le spectateur d'aujourd'hui qui a vu, comme vous disiez, les Scream, qui d'ailleurs sont pas vraiment, je fais une petite insiste, sont pas vraiment des slashers, mais plutôt des néo-slashers, ouais. Dans le sens où ils réutilisent les tropes pour en faire autre ouais. chose. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que ces twists sont un peu ridiculisés en disant que c'est chiant que les réalisateurs veulent toujours mettre tout ensemble et créer des liens qui sont pas forcément pertinents. Alors que dans Halloween 2, à cette période-là, c'était un peu précurseur, et je pense que ça a foutu pas mal de monde par terre, c'est-à-dire que personne s'attendait à ça. Mais pourtant, ouais. quand tu revois les films, le 1 et le 2 vraiment à la suite, il y a une cohérence en termes thématiques et en termes d'intrigue qui est valable. Alors je sais pas si c'est pour ça que je suis moins sévère sur le twist, parce que pour moi c'est tout à fait cohérent par rapport au premier film, même si oui, on préférait qu'il soit complètement déshumanisé. Ouais. Et moi, ce que j'adore dans le 2, c'est la fin, parce que la fin, en fait, Michael Myers dans le premier, il se fait tirer dessus, ok, mais c'est pas encore un être surhumain qui peut se relever de tout. Et dans le 2, en fait, à la fin, on voit que... Enfin, s'il n'y avait pas eu le 4, parce que justement, on va parler après du 3, mais justement, le 2, c'était véritablement la fin de cette histoire, et c'était une sorte de duologie de film qui était prévu, et du coup, c'était la saga Michael Myers qui s'arrêtait avec le 2. Et absolument, puisque je crois que Myers est en tout cas montré pour mort à la fin du. Oui, oui, mais oui, il est brûlé avec le Loomis. Alors, le twist, enfin, le truc du 4, c'est vraiment. C'est n'importe quoi. Genre, il est un peu brûlé alors qu'on voit. Oui, oui, c'est Loomis, vrai. C'est... Il est un peu brûlé pendant toute la saga, jusqu'au 5 ou même au 6. Si, dans le 6, on le voit encore, puisqu'après, enfin, l'acteur est mort juste après le tournage du 6, malheureusement. C'est un peu débile de nous avoir fait croire que Michael Myers, il a survécu à ça, et Loomis aussi, il a survécu à ça, à une explosion, plus des flammes, plus, enfin, c'est un peu débile, et je trouve ça dommage de pas, en fait, j'aime, on va passer au Halloween 3 parce que j'aime ce film. Je sais pas pourquoi. Tu as le droit, chacun a droit à ses faiblesses de temps en temps. Mais j'aime ce film parce que c'est complètement différent. Parce ah, mais que... tu sais que tu aimes le film comme Carpenter. C'est la raison pour laquelle Carpenter a accepté d'y participer. Hein. Oui, je sais. Vas-y, continue. Ouais. Oui, non, parce qu'il voulait plus faire de Michael Myers, parce qu'il absolument. En avait fini avec ouais, le 2. C'est ça. Et que les producteurs avaient prévu de faire, à chaque Halloween, on va sortir, à peu près dans la période d'Halloween, on va sortir un nouveau film sur le thème d'Halloween, mais pas sur cette histoire Michael Myers qui s'était finie avec le 2. Et du coup, Halloween 3, Season of the Witch, c'est complètement différent. Il n'y a plus aucun des personnages qu'on connaît, et c'est un nouveau film totalement. C'est il a clairement ses faiblesses, mais je trouve qu'il y a quelque chose dans ce film qui, en fait, il est attachant, je trouve, parce que moi je j'allais dire, je le vois un petit peu, enfin, j'en ai des vagues souvenirs. Je l'avais loué en VHS à l'époque, enfin, mon père l'avait loué en VHS pensant que c'était Halloween 3 avec Myers, puis ouais. En fait on était un peu déçus, mais quand j'y repense, je le vois un peu rétrospectivement comme un une espèce de fiction que qu'aurait pu pondre Stephen King, quoi. Oui, c'est, mais et c'est pas si mauvais, c'est hein, mais finalement. Tu sais qu'il y a, c'est quasi prémonitoire, hein, parce que ouais. Tomini Wallace, le réalisateur du 3 et du scénariste 3, aussi. Du 3 et 3, aussi ouais. Scénariste, il est notamment connu parce qu'il a réalisé, alors je crois que c'est toi Morgan qui n'aime pas ça, j'aime pas ça non plus, c'est ouais. Le réalisateur de ça, il est revenu, le téléfilm originel. C'est le même mec. Ouais. Et on peut pas dire, même moi qui suis pas très fan, mais c'est aussi pour ça que je suis pas très fan du troisième, qu'il n'y ait pas de cohérence artistique entre les deux. Il y a vraiment une parenté. Hein. En fait, je trouve que le 3, il est extrêmement kitsch et c'est pour ça que je l'adore. Alors que moi, c'est pour ça que il y a plein de raisons qui font que je sorte le film. Ouais. Ouais. J'adore cet univers kitsch. En fait, on va replacer puisque c'est plus du tout dans l'univers Myers comme on l'a dit. L'histoire d'un mec qui contrôle, qui a une entreprise de masques et du coup avec ses masques, il veut contrôler l'esprit des enfants et leur faire faire des. Enfin, je sais qu'à un moment. On a une scène vraiment dégueulasse où il est dans une salle de test. Enfin, il a mis ses employés dans une salle de test. Il y a l'enfant de cet employé qui met le masque et qui regarde la télé. Et c'est à ce moment-là, en fait, la puce à l'intérieur du masque réagit à la musique qui passe à la télé. Et du coup, il commence à y avoir des bestioles qui lui sortent des yeux, etc. Enfin, c'est vraiment. C'était très bizarre, très bizarre. C'est ouais. Très bizarre comme truc, mais c'est tellement kitsch que moi j'ai vraiment adoré. Moi, c'est vraiment un de mes films préférés de la saga en tout cas. et pourtant, je m'attendais pas du tout parce que, avant de le voir, puisque je l'ai découvert là pour le podcast, avant de le voir, j'entendais toujours ah non, c'est un des pires, c'est vraiment horrible, faut pas regarder ça quoi. Et donc j'y suis allé avec l'esprit bon moi ça va être mauvais et finalement je me suis pris une bonne petite surprise parce que il y a des trucs qui sont complètement débiles bien sûr, il y a des incohérences. Voilà, c'est un film sympathique, c'est un film il a sa petite âme, il est séparé de tout ça et je trouve que c'était une bonne idée justement de faire des petites histoires à chaque fois pour Halloween et pas de se reconcentrer sur cette saga Myers qui était finie avec le 2. Moi je le trouve quand même plutôt bon. c'est kitsch à mort, mais voilà, j'ai quand même une grosse affection pour ce film. Donc, Adrien, toi tu. En fait, je suis un peu réservé parce qu'à la fois, je peux pas complètement te reprocher de l'apprécier parce que c'est clairement un des films les moins pires de la saga. Et ouais. Il a au moins le mérite de pas faire n'importe quoi avec la mythologie puisque il intègre pas la mythologie. C'est ça. J'ai un petit peu de difficulté quand tu dis que c'est sans lien avec les autres parce que d'abord, il y a un lien artistique qui est très prononcé. Puisque on s'interroge beaucoup souvent sur la question de savoir pour un téléfilm, la qualité de l'image est très très belle et c'est un film qui est plutôt bien réalisé, mais ça n'a rien de surprenant puisque Tommy Wallace était directeur artistique sur Halloween 1 et donc il y a une imprégnation d'image qui est évidente sur ce troisième film. Alors moi après j'ai eu ma déception personnelle qui est que contrairement à toi qui étais peut-être déjà au courant de ce qu'était le film, moi quand j'ai vu Halloween 3, alors je vais vous raconter la pire arnaque de ma vie, parce que c'est écrit sur la jaquette du DVD derrière, avec l'image de Michael Myers, il y a écrit « Michael Myers n'est pas mort, il est guéri ou presque ». Alors, non, mais que je pense c'était vendu comme une suite à Halloween 2. Attends, alors qu'est-ce que tu... C'est un DVD français, ça ? Français, oui, si tu veux, je t'enverrai la photo. C'est bête que les spectateurs ne peuvent pas le voir, parce qu'on est en audio, mais je t'enverrai si tu veux. Je le mettrai en description de la. Je vais demander à mes frères de m'envoyer une photo. Alors. Mais bref, tout ça pour te dire. Donc, voilà, j'ai eu cette jaquette un peu trompeuse. Mm-hmm. Et puis ensuite, voilà, moi j'ai un problème avec le fait que ce ne soit pas vraiment un film d'horreur. Mais plutôt vraiment un espèce de thriller fantastique avec ni vraiment d'effet de surprise, ni vraiment de moments effrayants. Il y a 2-3 éléments gore, mais c'est vrai qu'on est très loin de la saga originelle. Donc en tant que film, et par rapport aux autres, évidemment que c'est un film de meilleure qualité pour les raisons que j'ai pu dire, et que c'est pas un mauvais film, mais c'est vrai que on se posera toujours, et je pense que tout le monde se posera toujours, la question de la pertinence de ce film et de la pertinence de son existence en lui-même et de son rattachement très artificiel avec la saga Halloween. J'apprécie quand même, et je vais m'arrêter là parce que je me rends bien compte que j'ai beaucoup parlé, le lien quasiment en œuf de Pâques avec le premier Halloween, avec le passage où il rentre dans un magasin acheter des masques et où on voit sur une télévision le premier Halloween passé. Et ça, ce sera récupéré par Scream ensuite. Ouais. Et donc aujourd'hui, évidemment, heureusement que c'est plus utilisé parce que ce serait extrêmement vulgaire et putassier. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était assez sympathique. Je pense que ouais, ça devait être assez sympathique. C'était la première fois qu'il devait voir ça. Et, voilà, je pense c'est un easter egg, c'est assez sympa. Quoi. Voilà, c'est ça. Bon, après, heureusement qu'il parle, je crois qu'il parle pas de Myers pendant le film, heureusement, parce qu'il y aurait des problèmes. Non, non. C'est vrai que du coup, ma jaquette, elle est encore plus absurde parce que ça se passe même pas dans le même univers. Du bah, en fait, la jaquette, elle a dû voir, ce moment où il y a eu à la télé et ils se sont dit, bon, c'est dans le même univers. Voilà, mais voilà, c'est pas un film que je déteste, mais je suis pas hyper fan. Ouais, moi ce que j'aime aussi après on arrêtera de parler de Halloween 3, mais ce que j'aime aussi c'est la fin qui est très très pessimiste en fait de Halloween 3, puisque ça se finit sur un genre de cliffhanger où on sait pas si le personnage principal va réussir à empêcher parce que tous les enfants ont acheté ces masques et à la télé il y a tout le temps le même jingle soyez devant votre poste avec le masque à telle heure à telle heure et telle date c'est Halloween et du coup le personnage principal s'échappe après plein de trucs et il essaye de contacter toutes les chaînes de télé et à la fin on ne sait pas s'il a réussi à contacter la dernière chaîne de télé qui diffusait encore le spot. Et je trouve que la fin est très pessimiste et j'aime beaucoup ce genre de fin dans les films. Surtout que comme on n'aura jamais la fin, on n'aura jamais de suite à ce film. Et puis d'ailleurs, il se suffit largement à lui-même. Moi, j'aime beaucoup ce petit film. C'est un petit film sympathique dans la saga qu'il ne faut pas voir comme une suite. Sans vraiment de corrélation avec la suite d'ailleurs. La suite qui il y a eu du temps parce que là on parlait de Halloween 1er qui était sorti en 78, ensuite le 2 en 81 et le 3 en 82. Là on fait un saut dans le temps puisqu'on passe en 88, il y a quand même eu pas mal de temps parce qu'il y a eu un énorme backlash à cause du 3. Parce que tout le monde s'attendait à voir Michael Myers. C'était terrible hein, à l'époque. Hein. Quand tu relis les témoignages, les gens se sentaient trahis, vraiment, par le film. Surtout qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien, donc tu ne pouvais pas être au courant vraiment de ce qui se passait dans le film. On ne sait pas comment le film était vendu, ça se trouve, il était vendu comme ça mon DVD. Hein. Oui, c'est vrai, hein. C'est clair. Donc, je suis sûr qu'ils ont dû profiter de la hype du premier et du deuxième pour vendre le troisième. Mais donc il y a eu quand même pas mal de temps avant le 4. Donc Halloween 4 déjà donc Michael Myers et Dr Loomis ont survécu à l'incendie dans l'hôpital bien sûr rien partant de là déjà ça a mal se passé parce que c'est très bien qu'ils sont morts tous les deux et puis c'est tout quoi. Mais ça va crescendo hein, dans les Myers ça a survécu à tel truc là c'est rien par rapport à ce qui se passe à Résurrection H20 c'est le pire sur les jaquettes des DVD c'est génial parce qu'à chaque fois ça commence par un il a survécu à machin tu te dis mais combien de fois je crois qu'il y avait une vidéo je sais plus qui avait dit ça où il disait que mais le nombre de fois où Michael Myers s'est pris des balles dans la tête et où il est tombé dans des remords où il s'est fait brûler enfin c'est même plus c'est pour ça que c'est le diable hein c'est clair donc voilà le film se concentre sur la fille de Laurie Strode du coup donc la nièce de Michael Myers voilà c'est Jamie Lloyd j'ai retrouvé le nom absolument Jamie Lloyd donc du coup qui a été adopté par une famille d'adoption voilà comme ce qui aurait été fait par les parents de Laurie Strode puisque comme c'est la sœur de Michael Myers voilà donc si on suit donc le 4 est la suite 10 ans après du 2 pour qu'on reste cohérent là-dedans même si on n'a pas trop de cohérence. Non mais là c'est bien X-Men non. C'est clair. Mais du coup le 4 j'ai pas vraiment de alors je l'ai vu il y a pas si longtemps que ça mais pourtant j'ai pas beaucoup de souvenirs parce que je sais que il m'a pas laissé une marque impérissable. J'ai bien aimé tout enfin ce que j'ai bien aimé du film c'est le générique. Comme d'hab. Je sais même plus si le générique était si intéressant. La musique, les musiques sont toujours. Enfin, la musique, le thème principal est toujours là. Mais tiens, tenez, petite parenthèse. Est-ce qu'on l'entend dans le 3 dans le 3 la musique, on l'entend ou pas Alors, Est-ce qu'on l'entend? J'ai un petit doute, je me demande si dans le générique, au en début tout cas, du film, il y a une citrouille et tout ça, donc je me demande si c'est pas le générique de début de la... Ouais. Et la citrouille, truc intéressant, c'est elle est, enfin c'est sur un écran, numérique, ouais, voilà, écran numérique, donc en 80, écran numérique en 82, hein, donc rassurez-vous, c'est bah oui, pas, c'est très strict, hein. Voilà, mais non, mais c'est c'était très, enfin moi j'ai bien, d'ailleurs en parlant du générique, le 3 est assez sympa, j'ai trouvé, mais ouais, donc le 4, moi ce que j'ai bien aimé, c'est enfin toutes les séquences avec la fille, enfin donc Jamie Lloyd. Ouais, c'est un bon personnage, Jamie Lloyd. Je trouve que Jamie Lloyd, c'est un bon personnage. Ouais. Parce que... L'actrice, je peux pas. Ah bon ? Elle m'énerve. Je la trouve mauvaise, vraiment. Bah, c'est pour ça que t'as pas aimé. Elle a un truc je sais pas, j'ai jamais... Le personnage est très bon. C'est le truc qui me plaisait, on va dire, dans l'Halloween de cette période-là. C'était le personnage, parce que... D'ailleurs... Moi, j'aimais beaucoup à l'époque où je les ai découverts. Vous savez, un peu comme les Andy dans Chucky, tout ça, les enfants dans les films d'horreur. C'est un concept quand on est enfant. Enfin, je sais pas si ça vous faisait la même chose, mais il y avait une identification parce qu'on s'imaginait à leur place. On avait le même âge, on se disait, mais enfin. Ah bon, t'avais le même âge que Jamie Lloyd quand t'as regardé Halloween 4 et t'avais le même âge qu'Andy quand t'as regardé Chucky. Non, ah bah si, à Chucky, j'avais 6 ans quand je l'ai regardé. Ah si. Ah, ah oui. Putain, j'ai revu récemment. Ah, il y en a, ils sont grands. C'est hard quand même. C'est... Ah, ça m'a traumatisé. Mais justement, les enfants dans les films d'horreur, ça a toujours été un. Quand moi j'étais enfant ou ado, enfin pré-ado, c'était toujours un sentiment assez bizarre. Donc du coup, ah oui, alors c'est devenu un poncif depuis, mais c'est vrai que. Des enfants. Un moment, c'était beaucoup utilisé. Ah oui, depuis, t'as énormément de films d'horreur avec des gamins. Alors non, alors je. Où les enfants sont en danger, où vraiment ce sont limite les personnages principaux, pas vraiment tout ce qui est Annabelle. Ben oui, mais déjà. Oui, mais ouais, encore. Enfin, c'est différent. Enfin, vraiment là que ce soit un tueur qui soit à leur trousse, quand même. Hein. Que c'est des fantômes, mais ils s'attaquent à tout le monde. Osé, oui, c'est osé, mais les fantômes, c'est un peu le tout venant. Que là, quand c'est un psychopathe, un tueur, une poupée qui s'attaque vraiment à un enfant, je trouve quand même que c'est culotté. Hein. Plus qu'un fantôme, ils attaquent tout le monde, les fantômes. Oui, non, mais moi je trouve le personnage justement de Jamie Lloyd, c'est le truc le plus intéressant du film. Et c'est le truc intéressant du film. Ouais, c'est voilà, c'est le truc intéressant du film, c'est le truc qui nous fait continuer à regarder vraiment, parce que moi je me suis pris d'affection pour elle, et je suis intéressé dans le fait si elle va survivre, etc. Bon, c'est un peu les tropes de films d'horreur, bien sûr, mais je trouve que le personnage fonctionne vraiment. Et et je trouve aussi qu'il y a certaines scènes, alors c'est pas un chef, t'as dit le mot avant, Adrien, et je trouve que c'est très bien, à partir du 4 c'est vraiment très téléfilm. Ah mais oui, mais c'est terrible, hein, c'est de moins en moins bien réalisé au fur et à mesure, voilà, des films. C'est de moins en moins bien réalisé, mais pourtant il y a quelques scènes que je trouve vraiment super belles dans Halloween 4. Celle qui m'a marqué le plus, c'est celle où elle est sur, enfin où Jamie Lloyd est sur le toit et est pourchassée par Michael Myers, et il pleut des cordes, et c'est vraiment, je trouve la scène très bien réalisée, et il y a des plans vraiment très marquants, contrairement au reste du film d'ailleurs, qui n'est pas, qui n'a pas laissé une grosse empreinte, qui m'a pas laissé une grosse empreinte en tout cas. Et Dr. Loomis, je trouve qu'il devient, enfin à partir de là, il avait encore quelques crédibilité dans le 2, mais à partir de là, c'est vraiment l'ange gardien sauveur qui arrive au bon moment. C'est les aigles dans le Hobbit, c'est, enfin voilà, dans le Seigneur des Anneaux, pardon. C'est vraiment, enfin je trouve que c'est un peu dommage d'avoir réduit ce personnage à ça. Oui, je suis d'accord. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur le quatrième film? Moi, je veux bien simplement pour revenir un peu en arrière sur le premier film, dire que ce qui était intéressant dans le premier, c'était le début du film. C'est ça qui fait que le film est révolutionnaire, qui nous fait marcher dans la tête du tueur, par les yeux du tueur, au début d'Halloween 1, pour à la fin qu'on découvre qu'en fait c'est un enfant. Donc il y avait le facteur vraiment choc. Et ce qui est très intéressant dans Halloween 4, Halloween 4, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. C'est notamment dû au fait qu'au départ, Carpenter devait écrire le film, qu'il avait proposé un scénario que l'on dit dans ses thématiques. Moi, c'est comme ça que je l'analyse, très proche du Halloween 2018, puisqu'il y a le côté Myers fantomatique, il y a le côté plein de choses qui reviennent. Et c'est vrai que bah, Akkad avait dit non, c'est pas possible, c'est pas ça que les gens veulent voir. Alors faut savoir que Mustapha Akkad, ouais, ça a été un des précurseurs d'Halloween. Et sans lui, il n'y aurait pas eu d'Halloween. Mais alors, c'est aussi le fossoyeur de la saga. et son fils aussi d'ailleurs. Faut savoir que toutes les mauvaises décisions, c'est Mustapha Akkad qui les a prises. Faut savoir. Ouais. Et Rosenthal. mais c'est vrai que du coup, voilà, il a dit non. Du coup, Carpenter, il lui a dit bon, ok, va te faire voir. Et il est parti. Et donc, du coup, il y a eu cette espèce de scénario qui a été écrit pendant la grève des scénaristes et ça se ressent un peu. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes. Hein. Bah, déjà, il y a 4 scénaristes aussi. Hein. Voilà, il y a des poncifs de films d'horreur dedans, débiles. Les personnages vraiment sont d'une stupidité incroyable. Tu sens qu'il y a Vendredi 13 qui est passé par là. Absolument, mais c'est un scream avant l'heure, c'est quasiment parodique. Ouais. Ouais, d'un autre côté, ouais. Je suis un peu attaché quand même au film parce qu'il y a un côté très slasher classique traditionnel qui me plaît bien. Ouais. À partir du 5, ça va devenir n'importe quoi avec des complications incroyables scénaristiquement. Ouais. Alors que là, c'est quand même très simple, donc j'apprécie. Et donc, du coup, la fin qui est une réponse invraisemblable et inattendue complètement à Halloween 1 où il y a de la gamine. Enfin, on sait pas que c'est la gamine d'ailleurs, on voit qu'il y a un masque qui est mis et comme dans le premier film, on voit que ça marche au premier plan. C'est en première personne. En première personne, comme dans le premier film, mais en fait, on découvre que c'est Jamie. Alors, il faut le savoir qu'ensuite. Toujours le même, Mustapha Akkad, il va dire pour le cinquième film, dire c'est mort, c'est pas la gamine là, du coup, on va revenir dans une boucle qui là va tuer la saga. C'est tellement dommage. Mais c'est vrai que pour la finale, ils auraient pu partir dans des trucs. En fait, à chaque fois qu'on s'approche d'une fitueuse, j'ai l'impression qu'on part dans autre chose. Voilà, mais là, les Américains, je pense, pouvaient pas imaginer pendant cette période qu'on puisse suivre pendant 1h30 une gamine qui tue des gens. Je pense que c'était pas concevable. Ça aurait été tellement génial. Dans le cadre, c'est la même chose, c'est la gamine qui tue, et à la fin du 2 de Rob Zombie, on découvre, enfin, c'est Laurie Strode du coup qui devient un peu. Ouais, alors ça c'est le gros twist d'Halloween 4, ouais. D'Halloween 2, pardon, mais oui. Mais, tu vois, mais c'est et vrai du que coup, à chaque fois, on coupe court à cette. Absolument. Il y a vraiment des parentés, et c'est là que je vois que moi, c'est pour ça que j'aime bien Halloween 4 finalement, c'est que je pense que c'est. Et Little, je crois qu'il l'a fait, Dwight H. Little, c'est ça qu'il a fait. C'est un mec des films d'action, donc rien à voir, mais en passant. Et je pense que Little comme Zombie sont des gens qui ont quand même compris quelque chose de l'intérêt du premier Halloween, et c'est quelque chose qui va complètement se perdre au fur et à mesure des autres films et qui va finalement devenir tourner en rond. Donc je dirais qu'Halloween 4, j'ai cette affection pour le film parce que c'est le dernier à avoir avant très longtemps vraiment de l'ADN du film original. Oui, c'est clair. Morgane, toi, tu enfin, j'ai aucun souvenir d'Halloween 4, enfin vraiment pas. Non, mais franchement, je me souviens pas. Tu viens de la fin au moins? Non. Non. Vraiment, le Halloween 4 et 5, c'est un flou total. Le seul souvenir que j'ai de ces deux films-là, c'est une scène qui est dans le 5 d'ailleurs, où Michael Myers enlève son masque. Voilà. C'est dans le 5 qu'il enlève son masque à un moment donné. Elle lui dit, j'ai envie de te voir et tout. Et il enlève son masque devant elle. Devant Jamie. Alors, j'ai pas franchement souvenir, Ah oui, c'est dans la, quand il la ramène dans son, putain. Oui, voilà. Il ramène Jamie dans sa maison, et il y a la pierre tombale, et il y a des bougies un peu partout, etc. Et c'est là qu'il enlève son masque. Oui, dans la Lune 5. Je suis pas totalement sûr qu'il l'enlève. Mais si, il l'enlève, mais on le voit pas. En tout cas, il lui demande. Ouais, et d'ailleurs, c'est dans le 5 où. Où Jamie, d'ailleurs, la scène, enfin, la seule scène intéressante du 5, c'est où elle essaye de s'échapper de la maison de Michael Myers à travers plein de trucs. Enfin, elle se met dans des cachettes assez improbables, elle se cache dans du vieux linge, etc. Il essaye de. Enfin, quand elle se met dans des conduits d'aération, il essaye de la. Avec son couteau, de la tuer, mais il lui fait mal à la jambe, il me semble. Mais voilà, non, c'est le seul moment un petit peu intéressant et un petit peu où il y a du suspense dans le 5. Sinon, le reste, c'est que de la blague, de toute façon. Parce que c'est. Enfin, là. Le début de la vraie dégénérescence de la saga commence dans le cinquième film. Et c'est un film qui, dans ce sens-là, est un peu presque surestimé d'ailleurs. On ne se rend pas compte. Le 6 est tellement terrible et mauvais qu'on ne se rend pas compte que le quatrième avait déjà bien démarré là. Ouais. Des chances. Ouais. C'est clair que si on remet en perspective par rapport au 6, le 5 est presque bien. Ouais, mais en fait, quand tu les revois, c'est vraiment. C'est pour ça qu'il y a cette légende urbaine qui veut que les films aient été tournés en même temps et que le 6 soit une partie du 5 qu'on n'ait pas vu. Il y a une cohérence en termes de débilité mythologique et scénaristique qui est quand même invraisemblable. La Mais bon, fin du bref, ouais, c'est le cinquième film du coup. Ouais. la fin du 5 d'ailleurs qui annonce clairement le 6 comme je l'ai dit avant Alors, bien où sûr. ce personnage mystérieux qu'on voit dans l'ombre tout le temps et ben qui chope finalement à la fin Jamie dans la station de police qui est en feu et ben c'est ça annonce clairement le 6 où on part dans des délires occultes et Mais des ils délires en parlent déjà hein, dans le cinquième film. Il y a cette idée que Myers peut pas tuer Jamie parce que s'il tue Jamie, il doit tuer Jamie, pardon, parce que s'il la tue, il sera vraiment invincible, parce qu'il faut qu'il tue tous les membres de sa famille pour être invincible. Enfin, on arrive dans des débilités scénaristiques sans nom. Enfin, c'est ça. Il y a plus aucune psychologisation, il y a plus aucune intellectualisation du personnage. C'est pour ça que Zombie est salutaire, par ailleurs, plus tard. Hein. Mais il y a vraiment une espèce de bêtise de scénario fantastique complètement crétin qui est invraisemblable dans Halloween 5. Donc, la fin du 4 se finit avec Michael Myers qui est bombardé, qui est inondé de balles et qui se retrouve dans une tombe où il y a même de l'explosif qui lui tombe dessus. Et le début du 5, c'est on voit finalement qu'il a réussi à sortir de cette tombe et qui se laisse emporter par la rivière et qui retourne finalement à Dunfield. C'est vrai qu'on n'a pas prononcé le mot Haddonfield, alors que c'est là où se passe C'est la quasi, c'est là maison. où, C'est là voilà, où la c'est là où maison. se passent tous les films sauf le 3. Haddonfield, ça fait Mais penser à Springfield, du coup je pense aux Simpsons. je, Ah oui, c'est pas la mais même chose. Hein, ouais. je sais même pas d'ailleurs si c'est une vraie ville ou pas. Si, c'est une vraie J'ai pas ville. Haddonfield, c'est une vraie ville. Ouais, ok, d'accord. Dans l'Illinois, alors du coup, voilà. Donc, le 5 commence là. Jamie, a essayé de tuer sa belle-mère, du coup, qui prenait un bain, et elle se retrouve dans un hôpital psychiatrique avec d'autres enfants. Et il y a Loomis qui vient la voir, qui essaye de la menacer. Alors ça, c'est la scène la plus magique du film. C'est où Loomis menace une petite fille pour essayer d'avoir des informations sur Non, mais Michael c'est Myers. incroyable, c'est C'est incroyable. Il faut savoir que Loomis, comme j'ai pu le dire avant, c'est encore un personnage positif, hein. C'est pas le Loomis de Zombie. censé... Ouais, ouais, ouais. C'est C'est... l'ange gardien. Alors quand tu le vois Ouais. quasiment, on dirait Dumbledore dans le quatrième film avec Harry, tu sais, il est à moitié en train de la C'est clair, tabasser. mais c'est ça. Et après, il y a l'infirmière qui fait, mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites? Vous essayez... Enfin bref, c'est complètement n'importe quoi. Parce qu'en fait, dans le 5, là où tu parlais de dégénérescence et de Oh là trucs là occultes, c'est là. vrai, j'avais complètement zappé, mais en fait, on apprend qu'elle a un lien psychique, hein, on va dire, avec Michael Myers. Et du coup, dans ses rêves ou dans Ouais, des mais ils ont moments... vu Vendredi 13-5, ils ont cru que c'était une bonne idée, ils l'ont refait, c'est tout. C'est C'est ça, ça qui c'est s'est ça, passé, hein. c'est ça. Elle a certains moments où elle black out complètement et elle voit les actions de Michael Myers ou alors elle ressent des trucs. Et du coup, c'est là que Loomis, il croit qu'en l'intimidant, elle va pouvoir dire ce qu'elle voit, alors qu'elle a été rendue muette au fait par les actions du 4, du coup, par le Ouais. fait d'avoir essayé de tuer sa belle-mère. Donc voilà. C'est un film où les ados sont. Je crois. Je, non. En fait, je me bats dans ma tête avec. Est-ce qu'ils sont plus débiles là-dedans ou dans Résurrection? Je sais pas vraiment. Bah, dans Résurrection, Mais. c'est pas des ados, donc voilà, ta Ouais, réponse. voilà. C'est des adultes débiles. C'est vraiment Non, mais il y a un débiles côté dans profonds. Résurrection, il y a un côté slasher con quasi classique Ouais. et avec des éléments modernité, alors que là, le Halloween 5, c'est autre chose, c'est même plus du slasher. Non, ouais, Ouais, il c'est y a une quasiment de la différence. parodie en fait. C'est pour ça que Alors, ça se voit plus, parce que les tropes sont différents, le genre est différent, alors que les adolescents sont comme pareils, alors que les films d'horreur ne se caractérisent pas comme ça. C'est le slasher en particulier qui, classiquement, s'est caractérisé comme ça, mais à partir du moment où tu fais un film fantastique, t'as plus aucune raison, c'est la bêtise se voit vraiment très fort. Ouais. D'ailleurs, je repense aux 5 et à cette scène dans la grange. Qui me fait qui m'a fait mais exploser de rire. C'est en fait un couple, hein, bien sûr, qui s'éloigne d'une soirée pour aller pour aller être plus intime, et du coup enfin il y a des jump scares entre guillemets, hein, j'ai envie de dire, où à chaque fois on croit que c'est Michael Myers qui est là, alors que finalement c'est le petit copain qui essaye de faire peur à la petite copine, ou alors c'est la petite copine qui essaye de faire peur au petit copain. Enfin bref, on passe à au moins 5 moments comme ça avant de finalement voir Michael Myers apparaître et puis les tuer tous les deux. Bref, enfin, ce film, il est vraiment d'une belle débilité, clairement. Et je vois pas vraiment en quoi. Enfin, il y a pas vraiment quelque chose qui peut le sauver. Non, mais ça, c'est dû au fait que, contrairement à Halloween 4, où il y avait eu le premier jet de Carpenter qui a pas été utilisé, mais il est quand même un premier jet, Halloween 5, Carpenter n'a rien à voir avec ça. Et il faut savoir que, voilà, si tu veux que je parle un peu de la manière dont le film s'est fait, c'est quand même assez spectaculaire, parce que ils étaient dans les premières semaines de diffusion d'Halloween 4, le film Halloween 4 fonctionnait très bien à ce moment-là, et ils ont dit, il faut qu'on lance un cinquième film, parce qu'ils avaient qu'une seule peur, c'est qu'ils voyaient que le vendredi 13 était en train de s'essouffler, et ils se sont dit, Halloween, faut pas que ça fasse pareil, donc faut qu'on en sorte le plus vite possible, faut qu'on bombarde, c'est encore une fois le bon Mustapha A4 qui a fait son œuvre, et ils ont recruté un mec qui est un Suisse, qui est pas du tout un réalisateur connu, alors j'ai retrouvé le nom, Dominique Haute-Girard. Quand j'ai vu le nom, tout ça pour te dire. Alors en plus, il détestait ce réalisateur détestait le scénario. Il a réécrit en sous-main des scènes du film sans le dire aux autres. Bon, ce qui fait qu'il n'y a pas du tout d'homogénéité dans le film. Tu vois, il y a des incohérences partout. Alors il y a plein de choses. Il y a effectivement cette histoire de Jamie qui aurait dû, même selon Donald Pleasence, c'est ce qu'il voulait, donc l'acteur de Loomis, être la tueuse du cinquième, et Mustapha Akkad a dit c'est hors de question, les gens veulent voir Myers, et du coup voilà, toute invraisemblance est là, il y a Michael Myers, c'est là, Jamie machin est devenu redevenue une gentille, tout le monde s'en fout qu'elle ait tué des gens avant, enfin c'était une espèce elle a essayé, le truc c'est qu'elle a enfin dans le 4 on pense qu'elle a tué vraiment sa belle-mère parce que on voit pas le corps. Voilà, et dans le 5, en fait, on apprend qu'elle a essayé de la tuer, qu'elle a pas réussi. Enfin, on voit bien donc le couteau que lui met. Il y a un moment. Ouais, voilà. Je sais pas combien de coups de combien. Voilà, c'est ça. Enfin, elle est encore plus balèze que Myers, sa belle-mère, en passant. Et donc, voilà, tout ça pour dire que le film a été tellement un enfer. Mais d'ailleurs, c'est le propre d'Halloween à partir du quatrième film. Tellement un enfer de production que ça ne pouvait pas faire un bon film. Mais c'est vrai que celui-ci est particulièrement malhonnête parce que je pense que Carpenter n'a rien eu à voir avec. Même pas, je sais. Et du coup, c'est une espèce de daube sans queue ni tête. Et puis pour moi, encore une fois, je le dis, c'est pas au niveau du sixième, parce que le sixième va plus loin. Ouais, mais en termes de bêtises et en termes de bêtises mythologiques, surtout, ils sont tout à fait comparables. Pour moi, c'est le cinquième est vraiment précurseur à ce niveau-là. Ouais. Mais d'ailleurs, on peut retrouver un peu un comparatif entre. Alors, comparatif au niveau de la production, je veux dire, entre Halloween 1 et Halloween 2. Et le 4 et le 5, puisque c'est clairement des films qui se passent, qui sont sortis très proches l'un de l'autre, et qui aussi sont des suites quasiment directes, en fait, à l'un de l'autre. Absolument, et tu vois bien la différence qu'il y a entre les films. Enfin, le cinquième contredit le quatrième, alors que le deuxième, et encore une fois, c'est le rôle de Carpenter, était dans une espèce de continuité quasiment visuelle et thématique. Là, il n'y a rien. Alors, le 5, il n'y a aucune cohérence. Et donc du coup après Halloween 5 est sorti en 89 et Halloween 4 en 88, et on attend jusqu'en 95 pour avoir un Halloween 6 qui est un bordel sans nom. On en a déjà un peu parlé, Morgan, pardon, j'ai oublié de te demander si, enfin, comme t'avais dit que tu te souvenais pas de grand chose du Halloween 5, ça on peut zapper, enfin moi je zappe. Ouais, ok, pas de soucis. On va pouvoir parler tous les deux du sixième, parce que je crois que Morgane n'avait pas vu. Je l'ai pas vu celui-là, mais il me donne bien envie du coup, moi, Halloween avec... Franchement, je vais te donner une petite anecdote sur le sixième avant qu'on démarre. Alors c'est une anecdote Wikipédia, mais j'ai été vérifier mes sources et c'est confirmé. Au départ, le film ne devait pas s'appeler Halloween, la malédiction de Michael Myers, je le fais en français, mais devait s'appeler Halloween, et je vous jure que c'est vrai. 666, l'origine de Michael Myers. Donc tout ça pour te dire que déjà au début du projet, il partait vers quelque chose de spectaculaire. Et le film est vraiment dans ce sens-là. D'ailleurs, ce nom, on retrouve pour, enfin pour le, il y a énormément de versions d'Halloween 6 aussi. Absolument, oui, il y a au moins deux cuts terminés, mais il Non, y a énormément de cuts pas finis. il y a cinq cuts en tout. Ouais. Il y a celui qui est sorti au cinéma, le director's cut, le producer cut qui est censé être le Halloween 666. C'est le moins pire, le producer Scott. Moi, c'est celui que j'ai vu, c'est le moins pire. Je l'ai pas vu. Apparemment, il y a des nouvelles scènes et des scènes plus gore qui est voilà Alors, je sais pas quel j'ai vu, en qui fait. Bon, bref. Ouais, et bref, qui, ouais. en fait c'est le film qui a été remanié à la suite du décès de Donald Pleasance en fait ce producer cut, le rough cut et le TV cut. Bon, le TV cut ça c'est un peu normal qui aux États-Unis c'est ils coupent les gros mots etc. ou les scènes trop gore. Qui existait déjà pour le premier film. Moi, j'ai le TV Cut à la maison, hein. Faut savoir. Ah bon, Ouais, jamais ouais vu, mais c'est je l'ai. voilà, donc du coup, Halloween 6, c'est un gros bordel sans nom. On découvre des nouveaux, enfin des nouvelles personnes dans la famille Strode, Ouais, bon, parce que voilà. y a des personnes dont on n'a jamais entendu parler, donc Cara Strode, Danny Strode. Enfin voilà, c'est censé. Enfin, on n'a même pas vraiment de lien avec Laura. Laurie. Laurie, pardon, voilà, tu vois, C'est les mais noms. Les noms. je me perds dans les noms, c'est horrible. On a du coup une Jamie Lloyd qui a grandi, qui a une actrice d'ailleurs qui ne ressemble à À pas du aucun tout, moment, à aucun ouais, moment. mais à aucun moment à la petite fille qu'on a vue, qui a eu un enfant, etc., qui se fait tuer dans les premières scènes, qui laisse son enfant dans une poubelle ou je sais pas où, dans un dépôt, quoi, et Paul Rudd. Le trouve par hasard, enfin bref, c'est. Ah non, elle le laisse dans les toilettes d'une station de métro, station de train, et Paul Rudd par hasard, il se retrouve là, et il trouve l'enfant dans les toilettes, c'est le premier à le trouver, trouver l'enfant dans les toilettes, quoi. Donc non, voilà, c'est complètement n'importe quoi. C'est le dernier film d'ailleurs avec Donald Oui, Pleasance, puisqu'il est mort, je il est crois, mort juste sur après. la table de. Sur la table de. Non, pas sur la table, mais pendant le. Pendant le montage, je crois, Sur la du table de montage, film. Ouais, oui, pour celui qui après montait. avoir vu le film. Voilà, c'est ça. Non, non, non, mais ça c'est toujours la blague cynique qu'on fait, mais non, Ouais. non, Non mais. il est mort, il n'a jamais vu le film cette Oui. année. Ouais, Non il bah est oui, mort c'est avant. clair. Ouais. Donc j'ai envie de dire, il vaut mieux, hein, parce que c'était clairement. Non mais c'est clairement le. Je pense que ça l'aurait pas dérangé, tu sais, il disait lui-même que s'il y avait un Halloween 30, il serait dans Halloween 30, donc je pense qu'il n'était pas là à ça après avec Pleasance. Ouais. Non, c'est vrai qu'il avait fait quand même des choses assez, assez bizarres avant. Mais voilà, non, le Halloween. Enfin, moi, je crois qu'on a dit à peu près tout ce que. Je sais pas si t'avais quelque chose à rajouter, toi, Bah, Adrien. si tu veux que je parle toujours un peu de la production, Oui, vas-y, vas-y, vas-y. celui-ci c'est assez formidable. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, au fur et à mesure du tournage, ils ont réécrit, réécrit, réécrit le film parce que le budget arrêtait pas de baisser. Donc, ce qui fait que bah, pendant tout le film, t'as des scènes qui n'ont rien à voir entre elles, qui sont même pas reliées thématiquement, ni dans des unités de temps, ni dans des unités de lieu. Alors, ce film-là, c'est un festival parce que c'est même pas un film, c'est des scènes assemblées entre elles, c'est fait scène coupée en fait, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun lien entre les films, et ça, c'est dû au fait qu'il y a eu ces restrictions budgétaires. Mais Ouais, c'est vrai que ouais. c'est un film qui est assez Non, absurde, en fait. C'est-à-dire ouais. que. Alors, il y a des références qui partent de nulle part. Je pense notamment parce que, bon, c'est très sympa de faire des références à Shining. Il y en a. Il y a une Ouais, super c'est vrai. référence à Shining à un moment avec je crois une cellule de prison ou d'hôpital psychiatrique avec qui s'appelle qui a le numéro 237. Voilà, comme ça, une petite référence à Shining, ça fait plaisir. Mais alors vraiment, c'est des trucs comme ça random, ça s'intègre pas du tout dans le film, c'est vraiment juste pour dire hey, regardez, alors qu'il y a Ouais. aucun cinéphile qui va jamais voir ça, mon gars, tu vois. Les gens qui voient Halloween 6 comme ça pour s'amuser ou passer un bon moment, c'est soit des fous comme nous, soit des mecs qui savent pas ce que c'est, tu vois. C'est pas des gens qui vont analyser ton film, tu vois. Faut Ouais, vraiment non, c'est aller chercher clair. sur Wikipédia. Mais bon, du coup, Ouais, voilà, c'est vrai non, que mais c'est ouais, un film franchement. qui a pas d'intérêt, sinon pour voir ce que ça peut être un bazar de production. Et Ouais. aujourd'hui, c'est là que c'est fascinant, c'est toutes les daubes qu'on peut voir, la momie avec Tom Cruise, des trucs comme ça, des trucs infects. C'est jamais de ce niveau-là, quand même les bazars de production comme les 4 Fantastiques, c'est pas de ce niveau-là, tu vois. C'est là, Ouais. vraiment, c'est. Il y a zéro cohérence artistique ou scénaristique, c'est formidable, même si c'est à ce niveau-là. Ouais, donc voilà, on a à peu près tout dit. Enfin, moi j'ai envie de passer à un film que j'apprécie. Ah, c'est Halloween 20 ans après. Oui. Oui, oui, oui, oui, oui, il est bien, il est bien, il est bien. Surtout après m'être tapé. C'est un peu un grand mot, mais oui, ça. Surtout après m'être tapé en chaîne Halloween 5 et Halloween 6, j'étais très content de découvrir Halloween 20 ans après, parce que ça m'a changé d'air, vraiment. Donc, Halloween 20 ans après, c'est un film qui se passe après le 2, du coup, et enfin, après le 2, très longtemps après le 2. C'est un film qui a été, qui marque le 20e anniversaire du film du premier, du coup, et premier retour de Jamie Lee Curtis, du coup, dans le rôle de Laurie Strode. Morgan, toi, puisque on t'a pas trop entendu du coup oui. depuis Halloween 4, donc toi, qu'est-ce que tu en penses de ce film? Mais moi, je pense que Halloween aurait dû s'arrêter à partir de là. Parce que, on l'a dit, on a quand même enchaîné les films absurdes. Enfin, en tout cas, moi, je considère que le 5 est aussi une absurdité. Le 4, je m'en souviens pas. Donc, voilà. Et le 6, bon, je l'ai pas vu, mais vous m'avez donné envie. Le 6, tu peux le considérer comme une absurdité, ouais, même si tu l'as pas. Ouais, même si tu peux même ne pas le considérer. Hein, voilà, je veux pas. D'ailleurs, Hollywood s'en charge bien, puisque comme ils ont eu la démarche d'oublier les anciens, je pense que le 6, ils l'enterrent. Ah non, non, il est très, très enterré très, très loin. Et du coup, moi, j'aime beaucoup le 7 parce que voilà, je trouvais que c'était un joli retour aux sources, j'ai envie de dire, aux fondamentaux. Je trouve qu'il arrive. Il arrive à s'imposer, non pas comme l'un des meilleurs, mais l'un des moins pires, parce que c'est pas un film qui est marquant pour sa mise en scène. Il a rien de fou, mais il y a un truc que je lui retiens, c'est son final, parce que dans Halloween 20 ans après il revient, on s'attend à l'ultime confrontation, l'ultime combat. Et c'est ça s'appelait la revanche de Laurie Strode, hein, avant de s'appeler 20 ans après, absolument. Mmh. Halloween 7, la revanche de Laurie Strode. Voilà. Ah, donc, d'accord. C'est le principe du film, dès le départ. Mais oui, mais c'était à l'époque où, justement, on faisait retourner. Enfin. À la différence du dernier Halloween, on sait bien qu'il va y avoir une suite, parce que c'est une fin très ouverte, le dernier Halloween. Et là, en fait, en voyant ce film-là, on se dit ok, il n'y a plus de fin possible. On peut le dire, Michael Myers meurt. Il se fait trancher la tête. Je veux bien qu'il survive. Ouais. À ça, logiquement, on ne survit pas. Mais... Ouais, prison break. C'est vrai. C'est vrai. Non. On va pas parler de prison break, s'il te plaît. Pardon. Mais c'est ça pour dire qu'on peut se faire trancher la tête et survivre. Voilà. Bon, continue. Ouais, non, mais... Alors, après, justement, moi, je trouve que sur la cohérence même, bon, je ne me souvenais pas voilà, par rapport au 4 et tout, mais je trouvais que c'était... par rapport au personnage de Laurie Strode, j'arrivais à croire que c'était celle que j'avais vue il y a 20 ans. Ses traumas, on la voit toujours, elle est traumatisée, à la différence du dernier Halloween où on en fait une espèce de guerrière qui attend Myers et tout. Enfin, honnêtement, je trouve le traitement un petit peu ridicule, on va pas se mentir. On en parlera, mais on peut quand même pas dire que le traumatisme soit pas traité dans Halloween 2018, ça parle que de ça. Mais bon, vas-y, continue. Ouais, mais de voilà. Manière différente, en fait, c'est ça le souci. Ouais, voilà. C'est devenu une personne complètement différente, en fait. Voilà. Vas-y, parle de 20 ans après. Là, justement, on nous présente une Laurie Strode qui est beaucoup plus mature, qui a le poids de la vie, qui a des responsabilités, qui n'a pas. Qui a un enfant. Qui a un enfant. Très bel enfant, d'ailleurs. Qui a plus de cheveux. Qui a plus de cheveux. Ah, elle a les cheveux courts, ça va. Et qui a toujours les souvenirs, et je trouve les apparitions souvenirs de Myers. Et bah, honnêtement, ça me fait flipper quand elle est, y a une scène, moi, qui m'a marqué quand j'étais gamin, quand je l'avais vue. C'est quand elle est devant une vitrine d'un magasin et qu'elle voit Myers derrière elle. Elle ferme les yeux, elle rouvre les yeux, après qu'il est plus là. C'est un joli plan, on va dire. Ouais, non, mais il y a vraiment des. C'est très évocateur. Il y a vraiment des trucs. Et même la scène d'intro, honnêtement, la première apparition de Myers, même si l'acteur qui joue Myers, j'ai l'impression qu'il a perdu beaucoup de poids, parce qu'il fait tout chétif. On dirait qu'il fait 1m20. Oui, c'est vrai, il est tout petit. Mais je trouvais que c'était un joli retour aux sources, un ultime combat, l'affrontement tel qu'on devait l'avoir. Et la fin, je la trouve très belle. C'est-à-dire, il y a le plan avec Myers coincé sous la voiture, Laurie Strode qui est là, qui est furieusement badass, infiniment badass que dans le dernier quand même. Quand Myers marche dans le couloir, qu'elle sort avec un couteau, qu'elle le charge et tout, mais ça me fait beaucoup plus d'effet que de la voir avec son fusil et ses cheveux longs tel une hippie qu'on la voit dans le dernier. Ah ouais, non, clairement. Je préfère largement la team cheveux courts, hein, clairement. Mais là, dans le tout dernier, il y avait quelque chose de beau, il y avait de l'ordre de la nostalgie, enfin, une souffrance, parce qu'on voit que Laurie Strode a souffert, elle est traumatisée, c'est son fils qui la réveille quasiment chaque, enfin, c'est ce que le film nous dit, à chaque fois que le jour d'Halloween arrive, elle se réveille en pleurs en repensant à cette nuit-là, et c'est son fils qui la réveille, et il lui dit, c'était il y a longtemps, c'est il y a longtemps, etc. Et je trouve qu'ils arrivaient à, ils ont réussi à orchestrer ça sans faire, enfin, c'est pas mémorable en soi, mais pour le personnage, pour le plaisir de retrouver ce personnage-là, je trouve pas que le film soit raté. Je trouve le film plutôt bon. Il y a des très beaux moments et la fin, quoi, quand Myers demande pardon. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète. Mais ouais. Avec Halloween Resurrection, ils nous ont planté tout. Voilà, c'est. Oh, putain, c'est mais horrible. Mais je crois que c'est une des. Enfin, c'est un des plus beaux moments dans l'histoire du cinéma où on a chié sur une fin de film. Ah mais oui, parce que la fin était très belle, tu vois. Tu vois que Myers, il est là, il est foutu, il est mort quasiment. Il lui tend la main en lui demandant pardon. Elle se met à pleurer. On se dit, est-ce qu'elle va lui tendre la main et avant de lui couper la tête. Oui, il faut savoir, on humanise Myers ou pas, faut savoir. Enfin, là, pour moi, au contraire, mais c'est débile. Moi, je trouve ça débile comme fin, très sincèrement. Finalement, on lui donne un semblant d'humanité au moment où il sait que c'est foutu, au moment où il est faible, elle tient qu'à un fil. Et ben ça c'est très beau. Je sais pas, il y a quelque chose qui m'a plu dans cette démarche là, c'est que le diable est mort, le diable est quasiment mort, il est foutu, il est devant la proie qu'il a toujours voulu exécuter et finalement il s'incline, il se dit ok t'as gagné et elle lui pardonne pas et j'ai trouvé ça très beau. Et après, Résurrection est venue. Mais je crois qu'en termes de twist, on n'a pas fait pire que celui-là. Le problème, c'est que Résurrection, quand on le voit, dans Résurrection, rien que d'y repenser, ça me. Oui, parce que en fait, si vous voulez, à la fin d'Halloween, 20 ans après, Laurie Strode demande, après avoir entre guillemets tué Michael Myers, d'escorter son corps avec un couteau seulement, d'escorter Myers à la morgue. Elle conduit le camion. Elle le pique. Ah oui, d'accord, elle le pique. Ouais. Ok, déjà, ça c'est très beau aussi. Et en gros, il se réveille, il y a un accident, et il va se retrouver coincé sous la fourgonnette, boum, tête coupée, fin, magnifique. Mais dans Résurrection, on nous dit qu'en fait, Myers a. Il a coupé la gorge du mec qui était venu le récupérer quand il était juste une victime d'un couteau. Voilà. Et du coup. Du coup, il pouvait plus parler, il pouvait plus crier parce qu'il avait plus de voix. Donc, voilà, il a survécu à un couteau dans la gorge. Hein. Ensuite, il lui a mis le masque. Pour faire croire que c'était lui. C'était lui. Il l'a remis dans le sac mortuaire. Et il est parti. Personne l'a. Enfin, tu vois, il y avait plein de policiers autour, personne l'a vu. et du coup, dans ce sac mortuaire, le mec qui s'était pris un couteau dans la gorge, un mec normal, un lambda, c'est pas Michael Myers qui se soulève avoir reçu un coup de couteau. En fait, il demandait juste à l'aide, parce qu'on le voit aller vers Laurie Strode, mais en fait, c'est pas pour la tuer, c'est pour lui demander à l'aide. Non, mais ça, c'est ridicule, c'est ridicule. Du coup, Laurie Strode apprend qu'elle a tué un innocent et du coup, elle se retrouve. Dans un hôpital psychiatrique. Et elle finit par mourir. Et je crois que c'est vraiment. Enfin, ce personnage-là qui meurt de la façon la plus absurde. Enfin, pas la plus absurde, mais c'est une injure cette mort. C'est une injure. Et je ne l'ai jamais digérée. Elle est sur le toit de l'hôpital. Et elle se fait, je crois. Elle ne se fait pas égorger. Elle arrive à suspendre son frère par les pieds et il lui refait la même scène. Il lui tend la main, elle repense à ce qui s'est passé. Elle se dit attendez, j'ai fait la connerie une fois, je vais pas le refaire une deuxième fois. Donc elle veut y enlever le masque. Ouais. Et du coup, il arrive à la choper. En lui enlevant le masque et puis après, elle tombe par terre. C'est vraiment l'expression type de chier sur une fin. Et je trouvais que la fin, j'ai beau le revoir, je me dis que le film est imparfait. Il est un peu long, il y a des moments où on s'emmerde un petit peu, ça met quand même du temps à démarrer. Mais au moment où ça démarre, honnêtement, je trouve que en termes de décor, c'est plutôt clean. Moi, j'aime bien l'ambiance, tu sais, teenage, dans l'université comme ça. Oui, c'est, puis c'était. Ça fait, c'était très années 90 en fait. Le truc c'est que tu vois en fait l'inspiration, enfin à chaque fois on va en reparler avec le dernier d'ailleurs, Halloween, mais à chaque fois Halloween se met en avec des maisons de production qui cartonnent au moment où, qui cartonnent avec les films d'horreur du moment en fait. Par exemple là c'est Miramax et Dimension Film qui avait fait Scream. Pour le dernier, ils se mettent avec Miramax et Blumhouse, qui sont les derniers gros noms du film d'horreur en ce moment. Donc à chaque fois, en fait, ils essayent de rester sur la... être hip, être cool, être jeune. Mais ça fonctionne pas tout le temps. Mais là, je trouve que sur ce coup-là, ça fonctionne plutôt bien, même si, comme tu as dit, il y a des longueurs, etc. Il y a certains moments où on se fait un peu chier. Mais je trouve que même les personnages sont beaucoup moins débiles que dans les derniers. Les personnages d'adolescents. Il y a toujours un con, il y a toujours une scène où un couple se sépare, etc. Et après, ils se retrouvent. Il y en a un qui retrouve l'autre mort, égorgé, etc. Mais... je trouve que Halloween 20 ans après, c'est vraiment c'est un bon film. C'est pas un très bon film, c'est pas un excellent film, c'est un bon film. Voilà. Je voulais juste. J'aime bien. Ouais. Et surtout la fin qui m'a beaucoup. La fin est très belle. La fin est très belle. Moi, c'est tout ce que j'attendais. Après m'être enchaîné le 4, le 5 et le 6, j'attendais juste qu'il lui coupe la tête parce que je me disais, mais quand est-ce qu'ils vont essayer de lui couper la tête, parce que c'est le seul truc qui paraît logique et qui puisse mettre fin à tout ça. Quand c'est arrivé dans le 20 ans après, je me suis quasiment levé de mon siège et crié quoi. D'ailleurs, c'était pour quel volet que Adrien avait parlé de référence à Shining ? Le celui d'avant, le 6ème. Ouais. Dans 20 ans après, il y a une référence à Shining aussi. Hein. Elle lui court après avec une hache dans un grand manoir. Hein. Oui, ouais. Mais... Ah bah oh. tu l'as pas vu celle-là. Hein. C'est moins une référence évidente que la Room 237, on va dire. Mais oui. Il y a un trope. C'est évident qu'elle va pas péter une porte en disant. La référence la plus lourdingue ni la plus évidente du film. Oui. Non, mais je dirais pas que c'est une référence, mais si on veut parler de référence, on peut peut-être se poser la question. Est-ce que c'était exprès et tout? Ouais. Avant de te poser la question. À Adrien sur ton ressenti sur le Halloween 20, je pense qu'il n'est pas le même que le nôtre. Oui, vous avez compris qu'il était pas très bienveillant, mais ouais. Moi, il y a une question qui vient de me, enfin quand j'ai vu ces films à la chaîne, je me disais, c'est une question un peu débile, mais je me rendais compte que le budget masque était de pire en pire en fait. Non, c'est de plus en plus laid, hein, mais les masques en fait, pourtant, c'est un masque qui paraît simple à faire. C'est la tête du capitaine Kirk, voilà, faut le savoir. Ouais, voilà, mais tu vois, c'est un masque qui paraît super simple, mais pourtant, on a l'impression que ça devient de plus en plus cheap au fur et à mesure. Le pire pour moi, c'est le 6. Le 6, vraiment, où ça enfin... Et même dans Halloween 20 ans, il est pas si beau que ça, franchement. Non, il faudrait... Ouais. Même au niveau des cheveux, il y a un problème. Il a une grosse tignasse, on dirait Simba. Ouais, c'est ça. Non. Ouais, donc voilà. C'était juste une petite observation concernant le budget masque qui n'est pas toujours très bien alloué. Non, mais il y a un problème de cheveux dans Halloween 20 ans après. Hein. Josh Hartnett, c'est pas possible. Et on sait pas. Non, mais c'est les années 90. Oh, bah, c'est ça, tu veux les années 90 ou tu les veux pas, Morgan, hein, mais... Moi, c'est ça. Tu vois, c'est autant j'aime Halloween 3 pour son kitsch, mais j'aime Halloween 20 pour son kitsch des années 90. Tu vous savez ce que je me dis ? Je me dis là, parce que c'est vrai qu'Halloween 20 est issu des années 90. Donc, la décennie où on a vu les Scream. Je suis sûr et certain qu'il y aurait pu y avoir un crossover à faire entre Scream et Halloween. Ça aurait eu aucun sens. C'est, ça aurait été super. Mais Halloween, c'est au premier degré, Scream, c'est au deuxième. Tu mets pas une parodie dans le même panier que le film. Mais non, mais comme deux. Halloween 1, comme le premier Halloween de Carpenter, est cité en référence dans Scream 1 de. Non, mais ça aurait été bien. Il y aurait un côté méta, déjà que les gens sont de Last Action Hero. Déjà que les gens sont paumés à nous expliquer que Scream c'est des slashers, on va pas enfoncer oui. là. C'est vrai que je les prends pas comme des slashers purs, Scream. Hein, c'est pas des slashers purs, c'est des parodies de slashers, c'est du new slasher parodies... au mieux, c'est pas du slasher. Oui, oui, non, non. Comme Souviens-toi l'été dernier, etc. Non, ouais, c'est du slasher, en mauvais. Quasi Souviens-toi l'été dernier, parce que c'est aussi Williamson qui l'a écrit, mais c'est plus au premier degré que Scream. Urban Legend, tout ça. Oui, ça c'est quasiment du néo-slasher aussi, mais c'est autre chose. Ouais, donc toi Adrien, je sais que tu n'aimes pas autant Halloween 20. Écoute, je veux pas être désagréable parce que c'est un film qui a le mérite d'être coincé entre deux daubes. C'est-à-dire qu'il est comme il est coincé entre Halloween 6 et Halloween Résurrection, bah ouais, c'est sûr qu'il a l'air bien. Mais en fait, j'ai un souci parce que je trouve que c'est un film qui est très prétentieux en fait. C'est là que je préfère Halloween 4 à celui-ci. C'est parce que je parlais d'un film pour Halloween 4 très, très slasher classique et très traditionnel. C'est d'ailleurs ce que voulait A4, pour une fois je suis d'accord avec lui. Mais là c'est vrai qu'on a un peu quelque chose, on a plusieurs unités de lieu et on a surtout ces références ultra lourdingues et superflues à Psychose. C'est quand même à crever le 20 ans Ah après à ce niveau-là. oui. Déjà tu mets Janet Leigh dedans, c'est beaucoup. Mais alors tu mets la musique de Psychose à un moment. Elle s'appelle Norma, c'est une secrétaire, et puis machin, on la voit beaucoup. Halloween n'a pas besoin de ça, puisque l'ADN de Psychose est déjà dans Halloween. C'était le principe d'Halloween 1, avec cet enfant tueur, avec cette dualité, c'était déjà Psychose. Il y avait déjà énormément de thématiques communes. Là, je sais plus qui c'est le mec qui a fait ça. Je crois que c'est Steve Miner, c'est ça, c'est le mec qui avait réalisé Ouais, Steve Vendredi Miner. 13, 2, faut savoir. Et c'est ce qui fait que c'est réussi au niveau horrifique, c'est que c'est un mec qui sait ce qu'il fait, puisque c'est un mec qui, contrairement au mec dont on parlait avant, vient de l'horreur, puisqu'il a réalisé Le Tueur du Vendredi. Donc c'est vrai que du Et le coup. trois aussi. Meurtre en trois Ah oui, dimensions. je croyais que tu parlais de 2003, oui, absolument, absolument. Ouais. Et donc c'est vrai que Miner, c'est un mec qui sait réaliser des films d'horreur, mais en termes thématiques, et c'est d'une lourdeur référentielle. C'est forcément meilleur que Halloween 6, qui est une grosse purge, et Halloween Résurrection, qui était l'un des pires de la saga. Mais pour moi, c'est quand même pas un film très brillant, et c'est surtout très prétentieux. Mais bon, voilà. Je comprends qu'on l'apprécie quand on compare aux autres, et je comprends qu'en tant que film d'horreur en soi-même, on puisse l'apprécier parce que ça fonctionne à certains égards. Et puis Et aussi parce que puis, c'est un peu soigné, ouais, voilà, le du point de truc, vue c'est de que je trouve l'image. que Mais la réalisation est soignée et tu sens que t'as passé un cap. absolument, ça fait moins de téléfilm que les autres, hein, ça c'est clair. T'es vraiment devant un film de cinéma. Tu sens que t'es passé au 21e siècle quasiment. vraiment, parce que les autres, t'avais vraiment l'impression d'être plongé, enfin, d'être resté dans les années 70, si c'est encore gentil. Voilà, non, Mais. tout ça pour dire que voilà, on peut pas dire qu'il soit raté, parce que les Oui. ratages, on sait ce que c'est quand on a vu la saga Ouais, Halloween. ah non, bah Mais c'est clair. disons que je trouve qu'on lui tresse beaucoup de lauriers, pas vous, hein, j'ai bien vu Axel, Ouais, surtout toi non, Axel, j'ai bien vu que vous étiez plutôt tous les deux à dire que c'était réussi sur certains points, mais qu'il y avait des problèmes, mais je mais. trouve Non, que c'est un film il y a. auquel on tresse des lauriers, alors que pour moi c'est au mieux médiocre, quoi. Mais c'est vrai comme on est Ok. habitué au très mauvais, bah médiocre c'est Ouais. toujours mieux que très mauvais, quoi. C'est clair, c'est clair. Non mais ouais, non, ouais c'est un film que j'apprécie, surtout au vu de cette suite, Du truc qui j'ai viendra envie de après, parler. Ouais. voilà. Et voilà, Voilà, tout ça Halloween, juste bon, pour finir, j'ai déjà dit, mais pour moi, ce que vous trouvez le moment beau, pour moi, c'est un non-sens absolu quand on connaît le ouais. personnage de Michael Myers, on en a déjà parlé. Ouais. Non mais je comprends ce que tu veux dire. Hein. Enfin, je vois pour comment te, enfin, je comprends pourquoi ça m'a plu et je comprends pourquoi ça t'a pas plu Voilà, très aussi. bien. Du coup, c'est voilà, c'est. Mais passons à Halloween Resurrection. Là, on va être tout le monde d'accord. On va mettre tout le monde d'accord. Donc Rick Non, Rosenthal, c'est du coup. bien. Non, non, non, film sorti en 2002, du coup. Donc là, c'est compliqué. C'est compliqué. On a parlé déjà du début avec Laurie Strode, du coup, qui se retrouve à l'hôpital psychiatrique et qui se retrouve finalement après morte par Michael Myers. Enfin, Michael Myers a réussi enfin à la tuer en tombant, du coup. en lui disant, ah oui, elle l'embrasse et lui dit, je te verrai en enfer avant de tomber. Voilà, Voilà. hein, super. Et l'enfer, alors qu'enfer, en fait, elle y est déjà. Enfin, on y est tous déjà, quand on regarde. Avec ce film, ouais, c'est clair. Donc. Alors ce film, c'est on a l'impression de voir des producteurs qui ont 80 ans essayer de faire ce qui plaît aux jeunes dans le début des années Et 2000. tu n'es pas loin d'être Non mais proche de la vérité. c'est ouais, proche de la vérité Absolument. parce que c'est vraiment on sent ils se sont dit ah qu'est-ce qui plaît aux jeunes en ce moment? Bon bah, c'est la télé-réalité, il y a Internet qui vient de sortir, c'est cool aussi. Bon bah on va essayer de mettre tout ça ensemble et on va balancer ça dans Halloween et ça va sûrement nous sortir un truc pas mal. finalement non. Finalement, c'est très raté. Donc en fait, c'est enfin, il y a plus personne. Alors attends, j'essaie de voir, mais il y a plus aucune personne du film original à part Laurie Strode, quoi. Donc, enfin, c'est que des nouveaux personnages. Il y a une personne du film original, mais c'est le réalisateur. Puisque c'est Il fait un caméo. Mais non, caméo, parce que c'est le réalisateur, Rick Rosenthal. C'est le mec qui a réalisé Halloween 2. Oui, pardon. Mais bon, il n'y avait pas Calpin Carpenter pour l'épauler. C'est là qu'on voit que. Ouais, il a sans doute réalisé très peu du film, en fait. Hein, deuxième film. oui, non, mais c'est clair. Donc, voilà, on se retrouve dans une sorte de. Enfin, c'est une télé-réalité. Enfin, c'est un producteur, donc interprété brillamment par Busta Rhymes, qui aurait dû se contenter de rapper parce qu'il est très bon rappeur, mais très très mauvais acteur, mais très très mauvais acteur. Très très très mauvais. mais en fait, le film, il est tellement mauvais qu'il en devient. Ah, mais c'est le premier vrai nanar de la saga. Ouais. Hein. C'est faut le dire. Contrairement au 6, qui est juste abominable, voilà, c'est ça. Et, là, c'est irregardable. C'est drôle, mais moi je l'apprécie, hein, très honnêtement. Je vais être très sincère avec toi. Si je veux rigoler, je regarde ça. Ouais, franchement, pour rigoler, c'est vraiment le film à voir parce que c'est tellement n'importe quoi que, enfin, on n'a jamais fait aussi débile que ce film. Donc voilà, je disais donc Busta Rhymes qui est producteur d'émissions de télé-réalité et qui va mettre 6 ou 7 jeunes adultes, on va dire, dans l'ancienne maison de Michael Myers pendant une nuit et qui va rediffuser toutes les caméras qu'ils ont sur en tant que lunettes, enfin tous les comment dire, tous les participants de cette télé-réalité ont des caméras sur leur tête, on va dire, c'est rediffusé via internet, etc. Enfin, bon, en 2002, je sais pas comment ils réussissaient à faire ça avec une image claire, hein, bien, mais parce que c'était déjà la galère. Mais l'idée est bien quand même d'organiser, enfin là, bon, le côté télé-réalité, c'est un peu opportuniste, mais l'idée est pas mauvaise en fait. L'idée est bonne, mais tu mets pas ça dans Halloween. Tu fais ça pour une nouvelle saga. Tu fais un nouveau film complètement. Et oui, non, tu t'appelles pas ça Halloween 2K, de... parce que c'était le titre original, hein, 2K comme 2000. Vous voyez le truc lourdingue un peu, ça s'appelait comme ça. Hein. Halloween 2K, Evil Never Dies. Ça s'appelait comme ça, alors après ça s'est appelé Halloween Homecoming. Alors, ça préfigure une autre dope qui viendra plus tard. Tout ça pour te dire que voilà, ça partait très mal. Homecoming, c'est joli. Oh, ouais, ça m'est fou. Ça. Moi j'ai vu que des dopes qui s'appelaient comme ça pour te dire. Mais c'est tout ça pour te dire que voilà. Non, mais moi j'aurais quand même sur mon Halloween 2K Evil Never Dies pour te dire à quel point ils étaient ringards déjà en 2000. Parce que le film est sorti en 2001, il faut le savoir. Hein. C'est le premier Halloween de 2000. Hein. Merci le nouveau siècle. Hein. Ça oui, partait bien. 2002. Excuse-moi, oui, j'ai dit oui, pardon. Non, mais ouais, voilà, c'est pas grave. Ils ont appelé ça Résurrection parce qu'il fallait bien que les gens comprennent que Myers c'était pas mort. Hein. Oui, voilà. Myers n'était pas mort. Enfin, c'était l'histoire complète avec le sac portuaire, etc. d'ailleurs, la fin de Résurrection, je passe directement à la fin. Mais c'est encore Michael Myers qui brûle et dans une maison, alors que Busta Rhymes et Sarah, donc le personnage principal, qui est interprété par Bianca Kajilik, pardon. Du coup, il s'enfuit de la maison qui brûle. Et du coup, Michael Myers se retrouve encore une fois dans un sac mortuaire. Et là, il se retrouve à la morgue. Et la femme qui ouvre le sac mortuaire. alors ça, c'est vraiment le... Quand j'ai vu cette fin, je me suis dit, ils n'ont pas osé. Ils n'ont pas osé faire ça. On voit juste les yeux qui s'ouvrent. Et avec un cri en fond sonore, et ça passe au noir. Et on voit le générique. Voilà, donc si tu veux, c'est un trope classique du cinéma d'horreur des années 80 et 90. Voilà. Sauf qu'on est en 2000. Et on fait ça en 2000. On n'a plus le droit de faire ça, tu vois. C'est plus possible de finir comme ça un film, tu vois. Et là, ils ont osé, c'est génial. Non, c'est le film le plus ringard du monde. C'est vraiment le film qui est resté coincé dans les années 70-80, quoi. Mais c'est d'une débilité sans nom. Les personnages... enfin tout le monde, que ce soit le personnage principal, donc Sarah Moyer, qui a son qui a son petit beeper, enfin un genre de elle envoie des textes par internet, etc. Enfin, on sait pas vraiment comment ça fonctionne, mais à son petit copain entre guillemets, qui regarde la rediffusion sur internet lors d'une fête d'Halloween, où d'ailleurs il y a tout le monde qui commence, enfin qui est autour de deux pour voir pour voir tout le monde dire ah mais c'est comment ils ont fait, c'est faux, etc. On peut pas vraiment tuer quelqu'un, enfin on peut pas tuer quelqu'un sur internet, c'est pas possible. Bref, c'est d'une débilité sans nom. Les personnages, enfin moi, ouais, comme t'as dit, il me fait rire ce film parce que on a atteint vraiment un niveau. C'est-à-dire qu'on a déjà vu, ça n'énerve plus parce qu'on a vu Halloween, voilà, déjà bien abîmé, ouais. Et voir ce truc-là qui est une absurdité parodique quasiment, ouais. ça énerve plus quoi. Quand t'as vu Halloween 6, c'est triste à dire, mais tu t'énerves plus quand tu regardes un Halloween. Ouais. Enfin, Le pire pour moi, en fait, c'est vraiment le fait qu'ils aient pensé que... Enfin, le scénario, c'est peut-être une bonne idée à la base, mais le fait qu'il y ait des caméras partout dans la maison et que personne ne voit Michael Myers... Il aurait fallu un réalisateur pour faire ça. Voilà, les gens critiquent beaucoup des films comme Paranormal Activity et tout ça, mais les mecs qui font ça sont quand même des mecs qui savent réaliser. Paranormal Activity 1 est très bien. Voilà, c'est ça. Même certains autres, mais bon, passons. Même le 2. Plutôt le 3. Mais Marked Ones, j'aime beaucoup. Mais tout ça pour dire que, voilà, quand t'as une idée comme ça de réalisation, foutre des caméras partout et tout ça, faut savoir tenir une caméra. Mmh. Rick Rosenthal n'a jamais su tenir une caméra. Oui, c'est un truc concept, quoi, finalement. Voilà, c'est ça. Alors, c'est bien d'avoir l'ambition. Mais ça se foire totalement. C'est bien d'avoir de l'ambition, mais si t'as pas les moyens de le faire, tu le fais pas. Enfin, Tout le monde peut pas faire une Friended. Bah, absolument. D'ailleurs, le 2, ça y est, il sort en France. Hein. Il sort dans un mois, il sort le 26 sur nos écrans. Voilà. Ouais. Il sort à Noël. Bah, je vais aller le voir. Vachement bien. Dark Web, attends, le Dark Web à Noël. Ça va être fantastique. Ça. Moi, ce que je trouve vraiment. Je trouve que ce film. Comme tu as dit, c'est vraiment un des pires réalisés parce que justement, plus de la moitié du film, ça se passe sur des horribles caméras qui essayent de reproduire un peu les effets d'une caméra portée sur la tête en 2002, donc vraiment pas en bonne qualité, avec ce fond vert, etc., pour faire croire que ça se passe dans la nuit, vision nocturne, etc. Mais le souci, c'est qu'on passe tout notre film à suivre ces gens, avec ces caméras vraiment horribles, on voit rien, c'est moche, c'est vraiment dégueulasse à voir, le truc, c'est heureusement qu'il y a un peu de... Enfin, heureusement que c'est un peu débile, parce que sinon, ça aurait vraiment été... une des pires expériences de la saga, et c'est encore dire quelque chose, quoi, parce que après tout ce qu'on a vécu, c'est compliqué, quoi. Donc voilà, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter par rapport. Non, là, je crois, pour dire que, alors, à une échelle temporelle différente, puisque ça se passe pas sur le même nombre d'années, mais Halloween Résurrection, ça a été le Batman et Robin de Batman. Je dis pas ça simplement pour troller par rapport à la qualité, mais parce que en termes de conséquences, d'abord critique, le film c'est le pire naufrage de la saga, mais surtout une fois sorti, les producteurs ne savaient plus quoi faire. C'est-à-dire qu'il y a eu 10 000 projets qui ont été lancés. T'as eu un projet de Michael Myers dans sa jeunesse à l'hôpital psychiatrique. Qu'est-ce qui a pu se passer? Ça s'appelait Missing Years. Ensuite, t'as eu un projet incroyable. De crossover entre Halloween et Eraser, hein, faut le savoir. Michael versus Pinhead, hein, faut le savoir que les frères Weinstein avaient de la suite dans les idées. C'est pour ça qu'ils ont fait Freddy versus Jason après. Non, ça a été remplacé. Non. Bah, il est sorti en 2003. Oui, c'est ça. Alors que c'est 2005. Alors que le projet Michael versus Pinhead, je crois que c'était 2004. Mais bon, bref, tout ça pour dire que voilà, ils sont passés dans un espèce de naufrage. Où ils ont posé des questions, et finalement, bon, je fais un peu la transition, je te pique un peu ton boulot, Axel, mais c'est vrai que les frères Weinstein se sont dit, bon, il y a une recrudescence du cinéma d'horreur, il faut qu'on fasse quelque chose, puisque les années 2004-2005 sont marquées par la recrudescence du nouveau slasher, et donc il y a eu cette idée, on peut pas laisser Halloween en dehors de ça. Et c'est ce qui a fait qu'ils ont voulu créer une nouvelle version d'Halloween, d'abord réalisée potentiellement par Oliver Stone, faut le savoir. Oui, ça voilà, j'ai vu, c'est impressionnant. Impressionnant. Imagine Halloween. Voilà, mais du coup, il était trop occupé sur World Trade Center avec Nicolas Cage, et c'est ce qui fait que l'idée de confier la saga à un nouveau réalisateur Rob Zombie par Malek Akkad, un peu plus inspiré que son père Mustapha, qui est mort un peu plus tôt, décide de filer le bébé à Rob Zombie, qui donne donc le nouveau Halloween. J'ai eu un moment de blanc, j'ai cru qu'il parlait du père de Michael Myers. Je fais quoi, le père de Myers s'appelle Mustapha, on est où là? Non, non. Donc ouais, enfin Rob Zombie, il sortait de la maison des mille morts et de Devil's Reject. Très bien, le chef-d'œuvre absolu de l'horreur contemporaine. J'ai pas vu la maison des mille morts. Très intéressant, c'est un espèce de massacre cartonneuse moderne. Ah ça peut du coup, vraiment cool. Bah d'ailleurs, enfin je sais que Rob Zombie c'est un peu son film préféré, Massacre à la tronçonneuse de 74. Ça se voit absolument. Ça se ressent, ça se ressent à fond dans toute sa filmographie. Dans Halloween. Toute sa filmographie. Ouais, dans toute sa filmographie et dans le premier Halloween aussi, qui est, enfin le premier et deuxième. Donc. Et c'est étonnant qu'il n'ait jamais eu le remake. Ouais, qu'il a jamais voulu en faire un remake. Peut-être qu'après il respecte tellement trop le film de Tobe Hooper qu'il se dit bon, je vais pas y toucher. Non, c'est surtout, ça avait déjà été fait. En fait, la raison pour laquelle ils ont lancé Halloween le remake, c'est parce que je crois que à cette période-là, Massacre à la tronçonneuse est sorti. Il avait eu un succès important, ce qui est somme toute normal parce que c'est pas du tout un mauvais film. Et du coup, voilà, ils voulaient redonner un peu ces couleurs punk, c'est ça aussi à Halloween. C'est pour ça que Rob Zombie, qui est un fan absolu de Massacre à la tronçonneuse, comme vous le disiez, ça se ressent dans ses films, a été engagé pour Halloween. Il n'y a pas de mystère, il y a une corrélation entre les deux déjà. C'était Marcus Nispel qui s'était occupé de Massacre à la tronçonneuse, donc le remake en 2003. Et qui s'était aussi attaqué à Vendredi 13 en 2009. Non, mais le remake de Massacre à la tronçonneuse, c'est vraiment très bien. C'était assez réussi, hein, faut le dire. Hein. Et même le commencement, celui d'après, il est pas mal. Mais c'est vrai que. Mais Minispel, c'est aussi le réalisateur de Casino Royale, il me semble. C'est-à-dire. Non ? Ah non, je me confonds. Ah ouais. Non, je confonds. C'est Martin Campbell, je confonds, pardon. Bref, donc du coup, voilà, tout ça pour dire. Donc voilà, Rob Zombie s'attaque à un remake complet. Donc on oublie. On fait un hommage au film précédent, mais on oublie complètement ce qui s'est passé. Sur les conseils de Carpenter, hein, par ailleurs, qui a dit à Rob Zombie qu'il a appelé, qui lui a dit oulala, tu fais ta merde, tu t'occupes pas de moi, tu fais ce que tu veux, et on verra bien. Voilà. Ah, bah ouais. Tu imites très bien John Carpenter. L'imitation est parfaite. Ouais, donc voilà, film qui a eu deux versions, la Director's Cut et la version cinéma. Moi j'ai vu la Director's Cut, je l'ai vu hier, donc voilà. Attends, là justement tu parles de Director's Cut, version cinéma. Adrien il va continuer dans les comparaisons. Tout à l'heure il a cité Batman et Robin, et là il va dire Halloween de Rob Zombie, c'est le BVS. Non, les différences entre les deux cuts sont pas. C'est plus gore, c'est plus. Oui, mais d'ailleurs, est-ce que elles sont rappelez... formidables. Mais c'est pas des différences. Est-ce que vous vous rappelez à l'époque, enfin, j'ai 26 ans, mais à l'époque, personne n'en voulait, hein, du remake. Hein. Personne, hein. Le film de zombie, personne n'en voulait. Hein. Moi, je m'en souviens encore, je traînais sur Allociné, c'était mes premières années où je traînais sur Allociné, sur l'affiche film, sur les topics, ils se faisaient descendre avant même que le film sorte. Bien sûr, mais une fois que le film est sorti. Mais en fait, c'est comme tous les remakes, en fait. Et en même temps, on peut pas trop leur en vouloir, on va dire. Il y avait un a priori très important comme on en voit aujourd'hui. Ouais. Et justement, moi j'aime beaucoup citer, à chaque fois qu'un remake est annoncé, j'aime beaucoup citer les Halloween de Rob Zombie en se disant si on met un bon réalisateur derrière, un remake c'est un projet de film comme un autre. Hein. Ça nécessite autant d'originalité qu'un film créé de rien, un remake. Après, en termes de bon remake, il y a La Colline à des yeux. On dérive un peu, mais La Colline à des yeux d'Alexandre Aja qui est très très très bien. Je dirais même meilleur que l'original, mais c'est un autre débat. À des années-lumière, Ouais. Bref, moi j'aime les deux. Mais bon, donc oui, Halloween, c'est complètement différent. Là, on suit, y a une première partie où on suit vraiment la vie du jeune Michael Myers. Donc pour la première fois, on le voit parler, c'est quand même quelque chose. On voit en fait comment il devient ce qu'il est devenu au fur et à mesure du coup, comment il passe de tuer des petits animaux à tuer toute sa famille sauf sa mère. Moi j'ai beaucoup apprécié cette première partie. Même si ça l'humanise plus, c'est clair, mais je la trouve intéressante, et je trouve que le fait d'avoir fait ça, ça rend la démarche complètement différente de ce qui a été fait auparavant, du coup. Et on se retrouve dans des films complètement différents. J'arrive, bien sûr, il y a des scènes très, très similaires. Enfin, c'est plus une réinvention du John Carpenter, les scènes qui sont oui, connues. L'indépendance n'est pas encore totalement marquée. Voilà, c'est ça. On sent qu'il veut quand même rendre hommage à John Carpenter et qu'il veut pas trop s'en éloigner, peut-être parce qu'aussi au niveau des producteurs, il voulait pas non plus partir dans du délire complet comme ça a été le fait pour le 2, le 2 de Rob Zombie, où là il est parti complètement dans son univers pour du bon et du moins selon bon. La personne ça, on en parlera juste après. Voilà. mais du coup voilà, moi c'est un film que j'ai beaucoup apprécié, c'est cette première partie, c'est un de mes films préférés de la saga clairement, parce que toute cette partie où on humanise Michael Myers, moi j'aime bien même si je sais que Morgan va dire il faut que ce soit un monstre, faut pas qu'il soit humanisé. faut pas ouais, que... je faut rappellerai pas qu'il aime Halloween 20 ans après, hein, faut pas non plus déconner. Non mais j'ai pas dit que j'aimais pas le film de zombies, j'ai dit que j'adore non, mais l'humanisation, la première partie. Oui, non, mais que l'humanisation non, c'est pas l'humanisation que je lui reproche. C'est pas l'humanisation, c'est de lui trouver, on va dire, moi ce qui me plaisait c'était le fait que ce soit la figure du mal sans justification. Là, c'est cohérent, ça se tient, parce que j'adore la première partie. Je trouve qu'elle est géniale. Et d'ailleurs, citons le jeune acteur qui joue Michael Myers, Dick Furt, ouais. il a un nom imprononçable, il est exceptionnel. Il est vraiment génial. C'est un excellent acteur. J'adore la première partie. Remplacé d'ailleurs dans le deuxième par un autre. D'ailleurs, la même tranche. Ouais. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'avais déjà communiqué avec lui sur Facebook parce qu'il avait un compte Facebook et tout, et j'ai parlé avec lui. Voilà. Oui, il parle français. Oui. Et je peux. Okay, mais ouais. Ok. Ouais. D'accord. Ok. Mais c'est ça date. Hein, c'était au tout. Mais j'avais parlé avec lui et tout, mais il a désactivé son Facebook depuis. Mais en tout cas, voilà, la première partie était. Je la trouve très très très bien, et c'est ça qui me plaisait. Et ce qui est dommage, c'est que la deuxième partie. Bah, j'ai l'impression de voir un remake qui est moins bon que ce que j'ai vu dans le film de Carpenter. Alors, il se réapproprie pas forcément le truc. Alors, c'est dans le 2 qu'il se réapproprie le truc. Mais comme j'ai du mal, j'ai pas le même amour pour Rob Zombie qu'Adrien, du coup, je suis moins sensible à son cinéma. En revanche, je l'atteste, Halloween 2 est sûrement le film le plus personnel de Rob Zombie. Voilà, c'est que si on est fan de Rob Zombie, on ne peut pas ne pas aimer Halloween 2, qui est vraiment, c'est son film, c'est un film qui correspond à 100% à son ADN et à ce qui l'habite en tant que réalisateur. Mais c'est comme je suis pas un gros fan de zombies, j'adore The Devil's Reject et la première partie d'Halloween, mais clairement ça s'arrête là. Ok. Moi je trouve que ces films, ils ont une ADN, enfin bon, ça vient de Rob Zombie, complètement punk, tu vois, mais vraiment rien à foutre. On met du fuck partout. Alors que limite on n'en entendait pas dans les derniers, enfin dans tous ceux qui ont précédé, on met vraiment de la, enfin il y a de la nudité, clair, enfin vraiment beaucoup plus explicite que ce qui a été fait précédemment aussi. Les scènes gore sont vraiment, il y a pas non plus énormément de sang, ça reste très réaliste en fait. Et j'ai vu un petit making of sur le film juste après l'avoir vu, et ils voulaient filmer dans la manière un peu 21 grammes, etc., très docu-réalité comme ça, les meurtres, pour que ça fasse très réaliste. Et c'est, moi je trouve que tout l'aspect meurtre Michael Myers, etc., est très bien réussi dans ce film. Et je trouve que les plans sont complètement dingues, ça déborde d'inventivité, peut-être pas d'originalité, parce que voilà, c'est du Rob Zombie en même temps, mais je veux pas dénigrer Rob Zombie, mais c'est un peu la même formule tout le temps. Mais moi j'aime bien, j'adore. C'est un film qui fout une patate d'enfer, clairement, parce que ça va vraiment, enfin, autant H20 a mis la saga à jour, vraiment, mais là on sent vraiment qu'on est rentré dans une autre époque du film d'horreur, beaucoup plus viscéral, Et c'est super impressionnant. Moi, j'aime beaucoup ce film, en tout cas. Adrien, vas-y, dis tout ton amour que tu as. Bah, écoute, c'est compliqué parce que pour moi, c'est à la fois un des meilleurs films Halloween et à la fois le film le plus faible de Rob Zombie. Parce que c'est un très bon film, hein. Me fais pas dire ce que j'ai pas dit. C'est-à-dire qu'il y a une. Alors, on peut trouver pertinent ou pas d'humaniser Michael Myers. Moi, je répondrais que de toute façon, il fallait faire quelque chose. Il fallait changer quelque chose parce que on peut pas faire. C'est peut-être le défaut. Peut-être le défaut du tout dernier, c'est qu'on essaie de revenir à quelque chose à une ancienne version de Michael Myers, alors que celle-ci a été mise à jour et de manière définitive par Rob Zombie. Et je trouve ça toujours un peu bizarre de revenir en arrière. Mais passons. Tout ça pour dire que cette humanisation, elle est très pertinente. L'aspect intellectuel est très freudien et plus marqué dans le deuxième film que dans le premier. Mais il y a quand même des choses très intelligentes dans le film. Le fait de montrer que c'est un enfant battu, mais que par ailleurs, il a cette prédisposition à la violence. Puisque ça sort pas de nulle part. C'est-à-dire qu'il faut pas que c'est les gens... ce que Loomis, il dit dans le 2. En fait, ça vient de sa nature et en même temps de son environnement. C'est pas complètement déterministe parce que le film nous fait bien comprendre qu'il y a beaucoup de voies de sortie de ce personnage, mais que ces voies de sortie se sont fermées les unes après les autres. Donc c'est pas complètement déterministe, mais il y a quand même cette idée que faut pas que nos auditeurs pensent que c'est un film qui explique pourquoi Michael Myers est devenu fou et a tué des gens. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est un film qui nous explique que Myers avait une prédisposition à la violence qui s'est ensuite caractérisée parce qu'il a vu cette violence intervenir dans sa vie par d'autres biais, donc par le fait que son père boit, machin truc, plein de choses différentes. Beau-père, excuse-moi. C'est son père. On nous le dit pas, mais admettons. Attends, ouais, je sais voilà, plus. Voilà, tout ça pour dire que c'est son beau-père. C'est un film qui est très réussi à ce niveau-là, et aussi bien sûr du point de vue de du visuel et de la violence. C'est un film qui est très osé en termes de violence, qui montre beaucoup. Et d'un autre côté, je me fais un peu l'avocat du diable, mais je dirais que c'est pour ça que j'aime beaucoup le deuxième, c'est que le premier est toujours un petit peu handicapé par cet hommage et ce respect infini qu'a Rob Zombie pour Carpenter, et je pense qu'il n'a suivi pour ce premier film qu'à moitié le conseil de Carpenter qui lui disait « fais ton boulot, fais ce que tu veux ». Il n'a pas vraiment fait ça, parce qu'on voit bien qu'il y a énormément de scènes du film, notamment toute la deuxième partie, où il y a des images d'épinal de la saga qui sont reprises. Le côté où il poignarde un mec contre le mur et tout ça, le drap de fantôme, il y a plein de choses. Ce qui fait que c'est un film qui est un peu entre deux eaux, c'est pas fondamentalement grave parce que il a fait suffisamment dans la première partie pour montrer l'indépendance du film par rapport au reste de la saga. Mais je dirais que Rob Zombie ici exploite pas totalement tout le potentiel qu'on lui connaît dans la plupart de ses films que sont les Bill Moore, les Visual Effects, El Super Bisto aussi qui est très très méconnu, qui est un dessin animé très méconnu et que je recommande. Et 31 plus tard, mais c'est vrai que à la fois c'est un film que j'apprécie beaucoup et qui est parmi les meilleurs Halloween, mais c'est vrai que du point de vue de ma connaissance et du fait que Rob Zombie c'est pour moi un des réalisateurs les plus importants du cinéma de genre actuel, c'est vrai que c'est peut-être son film qui m'est le moins qui me parle le moins. Mais en fait, je me demande si c'est pas aussi les producteurs qui lui ont un peu dit ouais, calme-toi, on veut du Rob Zombie, mais pas non plus. Non, parce que tout simplement parce que c'était très clair dès le début du film que Rob Zombie a dit je le fais si vous me laissez tranquille. Comme pour le deuxième film. Mais sauf que le premier film, il s'est vraiment auto-limité en quelque sorte. Je pense pas que ce soit les producteurs parce que lui-même le dit dès le début si on m'avait pas laissé faire ce que je faisais, je serais parti. C'est un type qui est très indépendant à ce niveau-là. Oui, ouais. Et d'ailleurs, on retrouve Daniela Ris, du coup, l'actrice qui avait joué Jamie Lloyd dans les 4-5, et l'actrice que tu détestes, Morgane. Et on la retrouve du coup dans Halloween 1 et 2 de Rob Zombie, mais dans un rôle complètement différent. C'est assez marrant de voir une actrice qui avait participé. Enfin la saga, la première saga, et de se retrouver dans ce remake. Moi j'ai pas plus de choses à dire que ça. C'est vraiment un film que j'ai beaucoup apprécié en tout cas, et j'étais assez curieux de voir le 2 parce que je savais que ça allait être encore plus, enfin ça allait partir dans des délires. Il passe où il casse, en toute façon, très sincèrement. Ouais, voilà. Mais j'ai beaucoup apprécié la réalisation, etc., tout ça. J'ai juste un petit problème en fait avec le fait que on part un peu, peut-être pas dans l'occulte complètement, mais dans des délires un peu chelous, de cheval blanc, de en fait, mère c'est qui des parle images à l'enfant, etc. Hein, ouais. Et d'ailleurs, il commence le film avec une définition, définition cheval blanc, machin, dans l'univers de Freud. C'est superflu parce que nous, en France, on connaît les symboles, mais aux États-Unis, c'était très important de rappeler les symboliques qu'on voyait dans le film, je pense. Oui, mais ça m'a un peu gêné, mais ça m'a pas complètement gêné. Moi, je trouve que le 2, là, c'est vraiment, il s'est libéré. Michael Myers, il a une barbe gigantesque, c'est un monstre. Il tue tout ce qui est sur son passage. Franchement, moi, j'ai bien apprécié le 2. J'ai eu un peu de mal avec toute cette imagerie psychanalytique, etc. Je comprends tout à fait. C'est une proposition d'auteur, Halloween 2. Ouais, non, mais complètement, et je la respecte complètement, parce que je vois où il voulait en venir. C'est juste que la dernière scène dans la cabane, etc., une des dernières scènes dans la cabane où il se retrouve avec Laurie Strode, et où c'est l'enfant Michael Myers qui tient Laurie Strode, alors que Michael Myers grand est à côté d'elle, et en fait c'est tout dans l'imagination des deux. Ça part dans un truc où c'est un peu alors je veux pas insulter le film, mais ça fait un peu Halloween 5 avec la transmission psychique entre Jamie et Michael Myers. Mais voilà, c'est le seul truc qui m'a un peu dérangé. J'aime beaucoup on n'a pas parlé du Dr Loomis, mais j'aime beaucoup ce qu'il en a fait, en fait. Oui, parce que c'est devenu un vrai salopard. C'est très osé, mais c'est vraiment génial. Et puis tout ce que le premier film a fait à la psyché de Laurie Strode, qui est devenue complètement... Alors c'était un petit peu la petite fille toute gentille dans le premier, et même encore elle avait un petit côté edgy en racontant des blagues de sexe à ses parents, etc., enfin au tout début là du premier, voilà c'est ça, mais elle a quand même son petit côté edgy. Mais là du coup elle part complètement dans, elle a un poster de Manson au-dessus de son lit, etc., enfin vraiment on voit qu'on est dans l'univers Rob Zombie clairement. Et non, moi j'aime beaucoup le film, mais j'ai quelques soucis avec cette proposition occulte, psychanalytique plutôt. Voilà. Morgane, toi, je sais que t'as pas tenu 15 minutes devant le film. Alors. Non, honnêtement, le délire était trop haut pour moi, mais je l'ai vu il y a longtemps. Hein. C'était à l'époque où. À l'époque où il est sorti, parce que c'était un DTV chez nous. 2009. Ouais, c'était en DTV. Ouais. Ah oui, 2010. Ah oui, il est sorti en DVD. Ouais, c'était en DTV. Hein. Parce que moi, je l'attendais au cinéma. Parce que j'avais, à l'époque, j'étais très, très, très fan du premier Halloween. Très, très, très fan. Et puis bon, après, je l'ai revu un petit peu à la baisse, forcément. Mais non, le délire était trop. Non, j'ai pas du tout supporté. Et du coup, mon avis, il sera pas pertinent, vu que non, j'avais tenu 20 minutes. Quoi. Donc, peut-être à retenter. Hein. Oui, non, franchement, moi, je te le reconnais. Très sincèrement, oui. Parce que. Ouais. Franchement, c'est clairement pas un mot. Oui, et c'est au moins d'aller au bout. Et puis si tu détestes, tu le détesteras. C'est pas du tout choquant de détester ça. Très honnêtement, c'est tellement personnel que. D'ailleurs, j'ai une question. L'acteur qui joue Michael Myers, c'est lui qui joue comment il s'appelle dans Devil Reject, l'un des frères là, barbu là avec les cheveux. Non, les cheveux non, longs, je veux pas là, dire de bêtises, mais je crois pas. Lui. Non, je crois pas. C'est pas lui. C'est Tyler Mane qui joue Michael Myers, et il avait fait Dent de Sabre dans le premier X-Men de Singer. D'accord. Non, rien à voir. Il est beaucoup plus maigre le personnage dans Devil Reject. Oui, c'est vrai. Oui. Ouais, il a un petit rôle qui s'appelle Rufus dans Devil's Reject. Oui, c'est tout ce que je vois sur son... un moment, mais c'est pas lui. Voilà, mais c'est okay, pas lui. Il fait 2m3, oui, hein, juste. Voilà. Non, c'est complètement dingue. Adrien, toi, du coup. Écoute, là vraiment, pour le coup, j'ai beaucoup de bien à en dire. C'est pour moi un excellent film, et c'est peut-être la quintessence avec Devil's Rejects du cinéma de Rob Zombie, où on a vraiment l'impression que cette fois-ci, il s'est complètement détaché, parce qu'il avait qu'une seule peur, c'était de refaire le premier. Qu'une seule peur, c'était qu'on lui dise qu'il tourne en rond. C'est pour ça que je pense qu'il n'aurait pas apprécié ce que tu as dit tout à l'heure en disant qu'il tourne en rond. Mais tout ça pour dire que... Ouais. C'est un film qui est très imprégné, et pas simplement du Halloween de Carpenter, mais aussi d'énormément d'autres films. Il y a une séquence un peu fantasmée de repas avec des personnages à tête de monstre qui évoquent vraiment Massacre à tronçonneuse, par exemple. Ouais, ouais. Et ce sont des références qui sont jamais superflues. Je pense que c'est ça la grosse différence entre ce film et les films dont on a parlé avant, que ce soit 20 ans après Résurrection, c'est que c'est pas des références qui sont là pour faire joli, c'est des références qui sont dans l'ADN culturel de Rob Zombie et qu'il arrive à réutiliser pour parler d'Halloween. Donc évidemment c'est extrêmement intéressant. Donc on ajoute ça à l'intellectualisation du personnage de Myers qu'il a au dernier degré, et aussi l'intellectualisation de Laurie Strode, où le film utilise image psychanalytique sur image psychanalytique. Et ce qui est fascinant aussi, c'est le traitement de la violence par zombie dans ce film-là. Parce que dans le premier film, la violence était plus au premier degré. Or là, la scène la plus violente du film, on l'a déjà dit au début de l'enregistrement, c'est la séquence dans l'hôpital, où en fait, il y a une violence extrêmement crue et démonstrative, et on se demande quel est l'intérêt de montrer ça. Ouais. Et or, il faut savoir quelque chose, Rob Zombie ne montre jamais la violence, il le dit lui-même, s'il estime que c'est pas essentiel à l'intrigue. Il faut qu'elle ait un sens, il faut que le traitement soit essentiel. Et or, la raison de toute cette violence, on découvre à la fin, c'est pour ça que c'est extrêmement important que ce soit un rêve, c'est que c'est l'image que se fait Strode de ce que serait un retour de Myers. C'est la raison pour laquelle le rêve va si loin dans la violence. Et par ailleurs, aussi pour laquelle il y a des incohérences dans cette séquence. Hein. Myers apparaît un peu n'importe où, machin. Et c'est parce que c'est un rêve, elle est perdue. Ouais. C'est un peu un retour à la première saga où il sortait d'un peu n'importe où. Sauf que là, c'est justifié scénaristiquement. Et c'est un film qui est très intéressant, donc il y a une imagerie incroyable. C'est un film d'auteur, vraiment. C'est-à-dire que c'est l'imagerie du cheval blanc, la merde. Ça fait hurler les fans à l'époque. Hein. La mère de Myers à côté du cheval blanc, ils disaient, mais c'est pas une image qu'on veut voir du tout. Il y avait des pétitions qui disaient supprimer ça, machin. Mais pour moi, c'est là qu'on voit que c'est réussi par ailleurs. C'est que c'est un film qui va très loin et qui est pas dans la trahison, pourtant, qui est vraiment dans la continuité. Mais par ailleurs, il traite la mythologie de la manière la plus personnelle possible. Mais c'est un film qui est très très intéressant. Ouais. Il y a énormément de possibilités de lecture différentes. Il y a cette fin incroyable qui évoque Halloween 4. Alors c'est pas forcément une qualité d'évoquer Halloween 4, mais c'est vrai qu'on avait parlé de cette fin qui nous avait un peu mis par terre. Là, il y a une parenté évidente. C'est très intéressant. Je trouve que moi, Laurie Strode, l'actrice, est très bien parce que le personnage qui en est fait par zombie est très intéressant et très différent du personnage de Carpenter. Et surtout, voilà, je finis là-dessus, comme tu l'as dit, le personnage de Loomis, c'est ça la vraie originalité. Et le vrai courage de Rob Zombie, c'est d'avoir compris que Loomis n'était pas un personnage si positif dans les originaux, mais qu'il était seulement montré comme tel. Et il montre dans ce film-là que, alors que le personnage a les mêmes actions que dans le film original, il peut en faire complètement autre chose. Et ça, c'est essentiel pour moi. C'est-à-dire qu'Orb Zombie, il a vraiment compris quelque chose de la nature humaine et qu'il peut montrer qu'en fonction de la manière dont on perçoit les choses, c'est un peu Rashomon, si tu veux, c'est en fonction de la manière dont on perçoit les choses, ça peut être analysé de différentes manières. Et là, par les mêmes actes, Loomis est devenu un salopard alors qu'il était le héros positif dans les films précédents. Et c'est là qu'on voit pour moi que c'est un film qui est très profond et que ça ne s'arrête pas à du slasher traditionnel. Oui, non, c'est clair. C'est vraiment moi je vous le conseille vraiment hein, si vous l'avez pas vu. Pour moi, c'est vraiment on va passer du coup au dernier. Et pour moi, c'est vraiment dommage qu'on soit passé de Halloween 2 à ce Halloween qu'on a eu dernièrement parce que je trouve qu'on aurait pu faire quelque chose de très intéressant avec ce renouveau de la saga. C'est vraiment dommage qu'on soit reparti sur Michael Myers classique avec Laurie Strode qui est plus vieille, qui est badass, etc. Bon, je trouve ça dommage. Mais Halloween 2, moi, c'était une bonne petite claque au niveau de la réalisation aussi parce que c'est très punk en fait. C'est vraiment l'adjectif que j'aime beaucoup utiliser avec Rob Zombie, mais c'est vraiment on s'en fout un peu des règles. Et par ailleurs. C'est ce qu'on disait jusqu'ici, mais ce sera aussi le cas d'Halloween 2018. La raison de la qualité du film est encore et toujours qu'on a laissé la paix complète à Zombie, il a fait ce qu'il veut, et c'est ce qui ressort. Et c'est vrai que quand tu fais la différence entre ça et Halloween 5 et 6, tu vois bien que le fossé est monumental parce qu'il y a aussi cette paix complète qui a été laissée à Zombie, même si il me semble qu'il a eu une durée assez courte pour réaliser le film, écrire et réaliser le film, mais il a su en profiter. Ouais. Bon ben voilà, on va finir du coup sur Halloween 2018, réalisé et écrit par David Gordon Green, qui avait voilà, qui est un réalisateur principal. Enfin, il avait réalisé pas mal de Oui, c'est pas un comédies. Il a réalisé réalisateur aussi Joe. d'horrifique du tout, et c'est ce qui a plu Ouais. d'ailleurs à Jason Blum quand il l'a engagé. Il lui a dit: ça me fait plaisir que ton premier film d'horreur ce soit chez nous. Ouais. Donc voilà, Halloween 2018, retour deuxième fois de Jamie Lee Curtis, et cette fois-ci elle produit aussi, et avec John Carpenter qui retourne aussi, enfin c'est des producteurs délégués, du coup avec Jamie Lee Curtis, donc produit par Blumhouse, donc maison de production qui cartonne en ce moment, et du coup voilà, on Le film, la base du film, c'est que rien ne s'est passé entre Halloween, le tout premier de John Carpenter 1978, et celui-ci. Et celui-ci est la suite directe de Halloween premier du nom, et rien eu Oui, entre-temps. d'où la conséquence évacuée très vite au début du film, qui est que Laurie et Strode et Myers n'ont pas de lien du sang dans cette version. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc, voilà. Je vais peut-être laisser la parole à Morgane. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Ben, beaucoup de déception pour moi. Beaucoup de Ouais. déception parce que je l'attendais énormément, même si... Alors moi, je faisais partie de ceux, je l'ai encore dit tout à l'heure, qui ont toujours eu du mal avec l'idée, avec ce lien de parenté que nous avait proposé le Halloween 2 à De... l'époque. Mais en même temps, je peux pas voir Michael Myers et Laurie Strode autrement que des frères et sœurs. Donc c'est un peu bizarre. Ouais. Mais j'étais content qu'on se débarrasse de cela. Et en plus, quand j'avais vu la bande-annonce, je trouvais que c'était assez ingénieux, vu qu'en gros, ils disaient... Mais ils sont pas frères et sœurs? Non, non, non, non, ça c'est des gens qui ont inventé ça, c'est une connerie. Ah, ça c'est pas mal ça. Peut-être que le film va dire des choses. Eh ben non. En fait, on est dans quelque chose, je trouve, d'extrêmement classique, de Ouais. très archaïque. Je trouve qu'il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien qui bouge. Je ne comprends pas l'utilité. Pour moi, quand le film s'est terminé, je me suis dit, elle était où la nécessité? Outre le fait Outre le fait de faire des dollars et d'être le plus Peut-être, et puis peut-être aussi pour Jamie Curtis de camper une dernière fois, mais de revenir dans son rôle emblématique et de ne pas rester avec le douloureux souvenir d'Halloween Résurrection. Parce que d'ailleurs, vous remarquerez qu'elle n'en parle même pas dans les promos. Et quand je les ai tous regardés à les interviews, tout ça, enfin quasiment, surtout quand elle est venue en France, à aucun moment ils n'ont parlé des précédents Halloween, ils n'ont parlé d'Halloween Résurrection. C'est dire à quel point je crois qu'elle-même, elle est. Je ne sais même pas si elle se souvient qu'elle a tourné Si, dedans. moi je pense que c'est interdit par Carpenter et tout ça, hein, qui on dit que là, si on dit clairement que c'était fini, que cette période était révolue et qu'il fallait plus qu'on en parle. Ah Ouais. d'accord. Et du Bah, coup, donc j'ai compris l'idée. Moi, je trouve qu'il y a deux trois trucs dans le film qui m'ont plu. Ce côté très féministe, finalement, voilà, ce portrait de femme, elle est très combative et tout, mais j'ai envie de dire un peu trop dans le sens où je trouve que ça dessert un peu le personnage, puisque moi, j'ai quand même du mal à penser que, enfin, j'ai du mal à croire que la Laurie Strode qu'on voit là, c'est la même, avec voilà, un caractère qui a évolué, mais j'ai pas l'impression que ce soit la même Laurie. J'ai l'impression de moi de voir sa mère, quoi. J'ai pas l'impression de voir un personnage par rapport au Halloween 20 ans après. J'ai pas l'impression d'avoir retrouvé la Laurie Strode que j'ai connue. Pour moi, c'est une autre, quoi. C'est Jamie Lee Curtis, mais c'est pas Laurie Strode. Et en cela, j'ai eu vraiment beaucoup de mal. Et la fin. Alors la fin, ok, Oh, on a l'affrontement, il n'y a pas de souci quelle et tout, horreur. mais je trouve qu'on va dans un ramassis de symbolisme et crétin, et le dernier plan, je le trouve aussi bête qu'opportuniste. Mais vraiment, j'étais énervé en sortant de la salle. Je me suis dit, mais non, ils n'ont pas osé quand même. Ils n'ont pas osé. Mais si, ils osent. Donc, logiquement, il ne doit pas y avoir de suite, mais ils arrivent toujours à trouver le truc. Et je me dis, si la suite... On va nous, parce qu'apparemment ils en ont commandé d'autres. Bah ouais. Si ça va sur le terrain, enfin si ça développe la dernière image qu'on voit à la fin du dernier film, où là je vais Rappelle vomir. rappelle-moi l'image. Ouais, Ouais. tu peux. Bah on voit la petite fille de Laurie Strode avec un couteau dans la main et on voit qu'elle le titille le couteau. On se dit, ah, elle a goûté au sang, elle aime bien. Du coup, comme si qu'elle pouvait Ah rendre, non, parce non, que c'est pas Myers ça, est c'est mort pas du ça, coup. c'est pas ça la suite. C'est pas ça? Bon, bah ça va. Ça va. Non mais ouais, enfin moi je pensais que tu parlais de la fin, enfin à la fin du générique où on entend la respiration de Michael Myers. C'est ça la ah fin, c'est que Myers il est pas mort, bah oui. Ah ouais. Bon ah bah je ah c'est bah oui. Il y a une scène post-générique. Non, on entend juste la respiration de Myers à la fin du générique. Ah, bah je peux rester jusqu'à la fin du générique, je me suis barré. Ah, bah non, nous on est resté, hein, courageux en projo. Ouais, tant qu'à faire. Non, on a payé la place quand même. Ah, non, on a pas payé, j'étais en projo. Ah, oui, bah, ok. en tout cas, moi je l'ai payé. Et je l'ai ressenti en voyant le film. Mais... Je trouve ça très dur. Non, mais j'ai pas détesté, j'ai pas trouvé ça. Moi, bon, attends, quand t'as vu Halloween 6 et H20, tu veux pas détester ça quand même. Bah, non, pas le détester, mais moins l'aimer. Non, mais parce que quand je suis sorti, je me suis dit, attendez, il y a plein de gens qui sont en train de bitcher sur Halloween 20, mais on va peut-être le réhabiliter, ce film-là. Pourquoi tu veux qu'on le réhabilite, il est très bien là où il est. Bah, parce que je trouve qu'il est meilleur que celui-là. Jamais, déjà celui-là, il est réalisé pour commencer. Qui t'a parlé de David Gordon Green, tu préfères largement Joe que ça. Et c'est pas parce qu'il y a Ty Sheridan. C'est parce qu'il y a Ty Sheridan, tu veux dire. Pas du tout. Moi je préfère Pineapple Express. Hein, ouais, le rapport est plus ténu déjà avec Joe, je voyais pas très bien. Mais... non mais. Je trouve que le film ne sert à rien. Vraiment. Ça n'a aucun intérêt de montrer ce film. Déjà, il y a plusieurs trucs qui m'ont énervé dans ce film. Il y a un truc qui n'est pas vraiment la faute du film. Mais plutôt la faute de la version française. La version française est absolument abominable et j'ai dû le voir en VF parce que il passait pas en VO chez moi, malheureusement. Mais je voulais juste dire un truc sur la VF. Je sais que Morgane, toi, t'es pro VF, etc. Mais non, au non, secours, quoi. Ouais, non, elle est dégueulasse. Mais elle vraiment est pas bonne, dégueulasse. Et puis, normalement, celle qui double Jamie Curtis, c'est Véronique Augereau, qui double Marchinson, qui double aussi. Bah, qui double Jamie Lee Curtis de base, c'est elle, enfin, ouais, qui double dans True Lies, et honnêtement j'étais déçu, parce que la VF c'est catastrophique. Non, et une des phrases de la VF, je sais pas si c'est en VO, aussi. Non mais, c'est la faute du cinéma. Non, on vit en province, nous. Voilà, une des phrases qui m'a marqué, c'est je sais pas si comment ça a été traduit, parce que, mais en VF, le père de la petite fille de Laurie Strode, quand il se prépare un truc le matin, il dit « Oh merde, j'ai du beurre de cacahuète sur la bite !» Non mais, quand j'ai entendu ça... Quand j'ai entendu ça, je me suis dit « C'est bon, c'est fini. C'est quoi ce film qui ce genre de phrase de... » Ça rit dans la salle, ça rit dans la salle. Non mais, c'est quoi... Enfin voilà, quoi, c'est vraiment une phrase de série B, série Z... enfin, le film, c'est à part, c'est la VF, elle est très mauvaise, je trouve. Désolé si c'est ceux qui ont doublé écoutent ce truc, mais voilà, non, franchement, c'est très très mauvais. Moi je vois vraiment pas l'intérêt de ce film parce que il est en fait, Morgan il a tout dit, il est banal, il y a vraiment rien qui se passe. On voit Michael Myers qui tue quelqu'un. Qui tue des gens, etc. Et puis on arrive à la fin où il se cache et il se cache dans cette cave improvisée. Et puis il finit par le tuer entre guillemets parce qu'ils le tueront jamais à l'enflammer. Encore une fois, il se fait encore cramer pour la troisième fois dans la saga il arrive toujours pas à mourir. Mais je trouve ce film inutile à 100%. J'aime pas ce qu'ils ont fait du personnage de Jamie Lee Curtis. J'aime pas qu'ils aient. On parle de podcasteurs dans le film. J'aime pas ce qu'ils en ont fait. Non, ça c'est juste mon truc. C'est un truc qui m'a gêné, mais c'est pas la faute du film. Et je trouve qu'il y a pas de charisme avec la. Comment elle s'appelle La petite fille de Laurie Strode, je trouve qu'elle a aucun charisme, qu'elle est vraiment, enfin, qu'elle est très plate, c'est ça, il y a rien, même Jamie Lee Curtis d'acteur. Il y a cette espèce de réjouissance de la voir, même avoir, Jodie en fait... Greer qui est la fille, qui est la, ouais non mais, genre c'est couvert, et Mais en tout cas, non, j'ai eu un problème parce que il y avait cette espèce de joie de retrouver Jamie Lee Curtis, c'est vrai. Mais plus le temps passait, plus j'étais dérangé parce qu'ils avaient fait du personnage. Et franchement, j'ai un problème avec ça. Alors après, c'est subjectif, évidemment. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, il y a un point que je vais souligner parce qu'on n'en a pas parlé, franchement, qu'on n'en a pas parlé, c'est la musique. Elle est très bien. La BO est excellente. Ouais, c'est vrai. La BO, elle est excellente. Mais il y a quand même des scènes dans le film que j'ai trouvées vraiment très bêtes. Il y a une scène où son psychiatre se met à tuer. Je me suis dit, non mais on est où là? On est où? Je me suis dit, ils vont pas oser. Parce que moi, au début, je me suis dit, je pensais que Myers allait mourir à ce moment-là vraiment et que son psychiatre allait prendre la relève. Je me suis dit, ils vont pas oser. Puis finalement, bon. Mais il y a quand même des scènes qui arrivent comme ça. Ah oui, oh, une gratuité, ouais. Je trouve que c'est, ils arrivent comme ça, brut de décoffrage. Ça me saisit, ça me déconcerte, ça me dérange, ça me gêne. Je trouve que des fois il y a des ruptures de ton. Je sais pas si je suis dans un film très sérieux ou si je suis dans une parodie. Il y a des moments, je suis complètement perdu. Le tout début, enfin toute la scène d'introduction où t'as ces podcasteurs qui viennent montrer le masque, tu sais, ils viennent agiter le masque de Michael Myers juste sous son nez. Non, mais non. C'est d'un ridicule. Mais moi je trouve que c'est d'un ridicule. Alors qu'est-ce que ça te fait, Michael, de voir ça? Ah non, elle est très bien. C'est une bonne scène. Il y a une certaine tension. Le défaut que je reproche surtout à celui-là, alors là, c'est la démarche, ce qui fait que il ne fait pas du Carpenter, donc en cela c'est bien, mais je trouve ça se discute. Disons qu'en fait il n'a pas la même démarche. Montrer Michael Myers, c'est-à-dire qu'il reprend des trucs clés, la scène dans la salle de classe, on la voit pour la troisième fois dans la saga. C'est bon, au bout d'un moment. Je suis pas d'accord. Non. Mais allez-y, je dirai mon avis après, mais là j'entends des trucs. Non, il y a des petits hommages qui sont très bien amenés, mais là où Carpenter était dans la suggestion, Myers on le voyait pas vraiment, on le voyait au loin, on voyait bras, on le voyait derrière un buisson, là on le voit trop. Et les gros plans sur les visages, les visages, mais j'ai l'impression d'avoir vu que des visages dans ce film, c'est abusé quoi. Ah oui, c'est vrai, vraiment. Tu te dis oui, quand tu revois la bande-annonce, c'est vrai qu'on voit que des visages. Tu vois que des visages en gros plan. C'est comme s'il y avait les gens, ils avaient pas de corps quoi. C'est enfin vraiment, mais c'est, je trouve que c'est très, bon, c'est aussi bon, ça très, c'est un peu de la visageophobie, voilà, c'est ça. Mais je trouve que bon, ça c'est mon problème, j'en parle à mon psychiatre, mais voilà. Mais fais gaffe, il va te tuer. Ouais. Non, je trouve que voilà, Myers c'est trop montré. Il ne m'inspire même pas d'angoisse ni rien. Par contre, il y a quelque chose de beau aussi. Voilà, il y a une scène où j'ai eu des petits frissons, je dois l'avouer. C'est la scène où il remet son masque. Vraiment comme si il avait besoin de ça. C'était ce qu'il À ce niveau-là, je me fais l'avocat du diable, mais n'importe quel connard peut la faire, cette scène. Hein. Enfin, il remet son masque et il y a la musique derrière. Il est tous contents. La façon dont c'est. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de. C'est quasiment la même scène que dans le Rob Zombie aussi. Oui, absolument. Hein. Quand il va dans les toilettes là pour tuer, c'est quasiment la même scène parce que sauf que dans le Rob Zombie il prend la combi au lieu du masque, et là dans celui-ci il prend le masque, mais c'est exactement la même scène. C'est vrai. Ouais, tu vois. Donc ça m'a aussi je l'avais pas vu le Rob Zombie, mais du coup quand je l'ai vu, je me suis dit putain, mais ça me refait repenser à une scène que j'ai vue et je savais plus dans quel film je l'avais vue, et maintenant qu'on en parle, ça a débloqué des souvenirs, tu sais, qui étaient enfuis. Et je vais peut-être laisser la parole à Adrien parce qu'on a quand même assez défoncé le film. Ouais, écoutez, je vais essayer de sauver ce qu'il en reste. C'est un film qui a des gros problèmes, on l'a bien compris. Moi, ce qui m'a surtout choqué, comme Morgan l'a très bien dit, c'est la différence de ton. Enfin, on n'est pas dans un Marvel là. Enfin, je veux dire, il y a des scènes d'une brutalité sans nom qui sont suivies de gags absurde. Enfin, il y a un moment où elle se fait courir où elle trébuche par terre, la fille. Enfin, on n'est pas dans Scream, tu vois. Enfin, dans Scream, voilà. C'est un problème. Et je pense que ça vient. Moi, je suis convaincu qu'il y avait une divergence de ton entre Carpenter, David Gordon Green et Danny McBride. Je suis convaincu qu'il y avait des divergences de ton. Et ça se ressent dans le film. Ensuite, moi je trouve qu'il y a, il y a, vous êtes, il y a un petit souci parce que je trouve qu'en termes de réalisation, c'est un film qui réussit. C'est, il y a de très beaux plans. Il y a vraiment. C'est pour ça que moi j'ai toujours confondu David Gordon Green et David Robert Mitchell. J'ai toujours cru que le mec qui avait fait Halloween 2018, c'est le mec qui a fait It Follows. Parce que je trouve qu'en termes de réalisation, il y a une parenté qui est bizarre. Mais bon, tout ça pour dire que c'est un film qui je trouve est très beau. Il y a de très beaux plans, des très beaux travelling. Il y a des soucis parce que ça fait pas très peur. On n'est pas tellement inquiet. Le personnage de Myers, il est compris une fois sur deux parce qu'à la fois le côté bestial et félin est discret et très bien fait. Et ça suivit de scènes ridicules où le séquence dans les toilettes, là où il fait tomber les dents par terre. Enfin, Michael Myers, c'est pas un tueur sadique qui est là pour faire peur, tu vois. Enfin, c'est pas Pinhead, c'est pas, Freddy, tu vois. Donc là, il y a quand même un problème. Et d'un autre côté, c'est enchaîné par des scènes de grande compréhension du personnage avec voilà, l'aspect félin de Myers. Et voilà, il y a des choses qui sont très osées. Alors, je te trouve un peu dur avec plusieurs moments du film. L'introduction, je la trouve, comme Morgan, très réussie. Je trouve qu'il y a. Il y a une grosse, grosse tension scénaristique quand même très, très, très présente. Et voilà, bon, le postulat est un peu étrange de montrer le masque, mais ça fait sens quand on sait que les personnages sont un peu étranges et sont un peu tout pour un scoop, tu vois. C'est pas, ça me paraît pas si absurde que ça de montrer le masque. Ensuite, il y a cette scène que moi j'ai trouvée excellente. C'est le seul gag réussi du film. C'est la séquence où, de la salle de classe. J'en ai aucun souvenir pour te dire. J'ai vu en VO pour ça, mais c'est vrai que la séquence de la salle de classe, c'est pas une séquence hommage au premier film comme avant où on voit Myers au bout de la salle, on voit Myers par la fenêtre. On voit Laurie Strode qui attend à la place de Myers. Je trouve ça vraiment très drôle. Oui. C'est un très bon gag. Alors après, est-ce que ça a sa place dans le film? Oui, elle est très pas. Bien cette scène. Mais c'est à la fois un hommage très appuyé et assez pertinent, et à la fois, enfin, c'est un excellent gag. Je trouve que là, ça m'a vraiment fait rire de rire. Je crois que c'est le seul moment humoristique du film qui m'a fait rire. Alors après, est-ce qu'Halloween doit faire rire? C'est un autre débat. Mais je trouve que le développement de Laurie Strode, par ailleurs, est d'ailleurs très réussi. Je trouve que, alors, on s'appelait ou s'appelait pas, je conçois que passer de Halloween 1 à ce film-là, faut faire quand même un gros effort. Un gros effort en termes d'évolution du personnage. Mais c'est vrai que ce personnage qui a connu tous les traumatismes, qui soit comme ça devenu cette personne à la fois recluse sur elle-même et d'une grande faiblesse et à la fois très forte physiquement parce qu'elle n'a qu'une seule peur, c'est autour de Myers, c'est intéressant parce que du coup, ça en fait le prédateur du film. Et c'est pour ça que la scène de la salle de classe est pertinente, qu'on la voit elle et pas Myers, c'est parce qu'elle est devenue elle prédateur. Ensuite, la fin du film. Alors, j'ai à la fois, bah, je vais pas être incohérent avec moi-même, c'est un peu ridicule qu'à la fin on entende la respiration de Myers. Parce que voilà, on n'a plus le droit de faire ça aujourd'hui. Mais d'un autre côté, si c'est un film qui est dans l'hommage, ça me paraît pas absurde qu'ils s'unissent comme ça. Parce qu'effectivement, c'est un trope très classique du cinéma d'horreur. Donc, si c'est un film qui assume l'hommage, ça me choque moins. Mais voilà, ensuite le climax, toujours pareil, c'est un film qui est très ambivalent, c'est pour ça que je le défends. C'est qu'à la fois c'est le côté maman j'ai raté l'avion avec voilà la maison qui est piégée, tout le côté teenage, il est raté, maison piégée surtout et tout ça, enfin c'est un peu couillon, hein. On est même Skyfall, c'était déjà couillon à ce niveau là alors là voilà, tout là pareil, c'est couillon. Mais d'un autre côté, ça donne lieu à des beaux moments avec Laurie Strode et Michael Myers qui s'affrontent. Et je trouve que l'affrontement est bourré de tension et très convaincant. Voilà, je suis un peu embêté parce que ça tient un peu du James Wan dans l'efficacité, dans la brutalité et dans la mise en scène, mais quasiment du Rosenthal dans le reste. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un gros souci de compréhension du personnage et on enchaîne des passages cartoonesques et des passages horrifiques, ce qui fait qu'en fait, il y a un mélange des visions qui, au fond, la sauce ne prend pas, quoi. Donc après, c'est pour ça que je le défends, je préfère mille fois le fait ce film-là, qui est quand même un film de cinéaste, qui est un film de mec qui a un sens de l'image et qui avait quelque, et de films de personnes qui ont des choses à proposer, que les films comme Halloween 5, 6, H20 et tout ça, qui sont pour moi des films de mecs qui avaient rien d'autre à proposer que de faire une suite, quoi, tu vois. Donc c'est vrai que je trouve que quand tu dis que le film apporte rien, ça me pose souci parce que je trouve que c'est pas vrai, parce que je trouve, enfin, de mon point de vue en tout cas, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose. Je trouve qu'il y a une nouvelle manière de mettre en scène la violence, il y a une nouvelle proposition de personnage. Après, la question c'est de savoir est-ce que cette proposition est pertinente. Après que Rob Zombie soit passé c'est sur autre la saga, chose, mais c'est heureux que ce soit autre chose. Ça fait très vieux, ça fait trop vieux jeu, ça fait oui trop... après c'est un retour au film d'horreur classique qui moi me choque pas, très honnêtement, il y a tellement peu de films. Je veux dire, déjà qu'un slasher aujourd'hui passe au cinéma, c'est miraculeux. Enfin, je veux dire, tous les excellents slashers qu'on connaît, d'ailleurs qu'on connaît pas, hein, pas y a que moi qui les connais parce que personne ne les voit, mais tout ce qui est des films comme Chrome Skull, ce genre de choses, qui sont des excellents slashers, passe plus au cinéma aujourd'hui parce qu'on n'est plus dans l'ère de la brutalité réelle aujourd'hui au cinéma d'horreur. On est vraiment dans l'ère plutôt de la brutalité fantastique occulte. Et occulte. Donc mais moi je suis quand même intéressé par le fait que le film ait fait de très bons scores. Est-ce que ça pourrait initier un retour du slasher? Peut-être, parce qu'on voit par ailleurs que le problème c'est que le film horrifique d'épouvante aussi fonctionne très bien. Donc il faut que Blumhouse fasse des choix, et pour l'instant on est clairement plus dans un choix d'horrifique d'épouvante. Mais donc voilà, tout ça pour dire que le film est presque trop propre. Il y a des petits soucis en termes de réalisation. Il y a vraiment qu'à la fin qu'on a une sensation un peu de voyeurisme, un peu poussiéreux. Il y a qu'à la fin toute fin du film qu'on voit ça. C'est un peu dommage. Mais d'un autre côté, c'est toujours pareil. C'est une proposition. Donc, j'ai l'impression de voir. Enfin, moi, j'ai eu l'impression de voir un film MTV. Non, mais voilà, on peut adhérer à la proposition de réalisation ou pas. J'y adhère pas totalement. Mais rien que le fait qu'il y ait une proposition, déjà, montre que c'est quand même à la suite du Rob Zombie. Oui, non, mais je vais pas les comparer à H6 une proposition ou, d'auteur, ce qui fait que je respecte infiniment plus ce genre de film que des films comme ceux dont on a parlé avant. Et même si c'est pas de la même qualité ou de la même pertinence que le Rob Zombie, je ne peux que reconnaître une vision aux gens qui ont fait ça. Mais donc voilà, c'est pour ça que je veux le défendre. Je reconnais qu'il y a des gros soucis qui sont inhérents au projet même, mais somme toute, c'est pour moi quand même plutôt un bon film, quoi. Ouais, ok. Je voulais juste rajouter un petit truc. Je trouve aussi le côté teenage complètement raté. Oui, mais c'est pas le gros du film, alors ça me gêne pas. Ouais, bien sûr. Mais tu vois, c'est un truc que j'apprécie toujours, surtout dans H20 et dans le premier Halloween. Je trouve que le côté teenage est assez réussi. Et là, oui, c'est quasiment anecdotique. Ils auraient mieux fait de supprimer quelques personnages. Par exemple, donner plus de place aux podcasteurs, justement, ça me semblait plus intéressant que de donner autant de place aux adolescents qui, au fond, correspondent à des tropes et des archétypes qu'on a déjà vu mille fois, même dans la saga. C'est vraiment pour avoir des morts qui existent, ces personnages, c'est un peu dommage. Ouais, et on le ressent un peu, je trouve. Absolument. Mais d'ailleurs, le film a très bien marché. Mais moi, c'est là que je suis très content. C'est que moi, un film Halloween qui fonctionne bien au box-office, ça fait quand même du bien, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même une saga qui a retrouvé depuis Rob Zombie, je trouve, une exigence formelle. Qui est honorable, parce que c'est vrai que cette exigence formelle n'existait plus du point de vue du slasher. C'est pour ça que d'ailleurs ça passait plus au cinéma, et on la retrouve aujourd'hui un peu dans le cinéma d'épouvante et James Wan, ce genre de choses, et ça me fait plaisir qu'on la retrouve et que ça fonctionne au box office. Ouais c'est vrai, mais moi je trouve que, enfin, tu vois, les slashers, alors toi tu en as cité quelques-uns, je trouve que le dernier slasher que j'ai vu, moi, parce que je les ai bien sûr pas tous vus, le dernier slasher que j'ai vu qui m'a vraiment plu, c'était Maniac. Ça remonte quand même. Ouais, tu vois, c'était en 2012-2013. Absolument, qui était très réussi. Qu'il était très réussi, qu'il proposait vraiment quelque chose de nouveau par rapport, enfin voilà, c'était un peu... Il y avait Your Next. J'ai pas vu celui-là. Your Next c'était plutôt sympa, un home invasion qu'un vrai slasher, non? Parce que c'est vrai. Slasher, je recommanderais plutôt Late to Rest et School, qui sont des films qui sont pas sortis en France, qui sont d'excellents slasher. Je veux dire, c'est l'avenir du slasher, c'est ces mecs là, quoi. Ok, d'accord. Bon, on a fini sur cette discussion sur Halloween. C'était complet, j'espère. Je vous propose de. On va faire un petit top 11 du coup. Et Morgan, toi, tu t'éviteras les films que t'as pas vus du coup. Oh, je vais faire un top 3, moi. Mais comme Adrien l'a fait, voilà. Du coup, tu peux commencer. Parce que j'ai enlevé Halloween 3, qui pour moi c'est incassable par rapport aux autres, parce que c'est ni le même genre. Ok, d'accord. Donc vas-y, je t'en prie. Donc tu commences par le 10 et tu vas jusqu'au 1. Ah, je croyais que c'était Morgan. Sinon, Morgan, vas-y. Du 3 au 1. Du 3 au 1. En numéro 3, je dirais Halloween 20 ans après, quand même. Ouais. Ouais, je le mets quand même dans mon top 3. Ouais, quand même. Que, ouais. Que, Ouais, ouais, je l'ai dit. Oui, mais à la base, je vais le mettre en deuxième. Mais en deuxième, donc, ce sera quand même le Halloween 2. Comment il s'appelle déjà ? Rick Rosenthal. Rick Rosenthal. Voilà, Rick Rosenthal, voilà. Parce que c'est une bonne suite, malgré... Moi, j'ai juste un problème avec le scénario, avec la, mais en termes de suite, je trouve vraiment, vraiment de qualité. Et en premier film, évidemment, Halloween 5. Non, je déconne. Non, Halloween de Carpenter. Alors, ce serait le plus gros twist de l'univers. Ouais. Non, en fait, j'ai vu Halloween 6 et c'est le meilleur. C'est trop dérangeant. Je l'ai vu pendant qu'on faisait le podcast parce qu'il était long. Voilà. Je viens de le voir. C'est trop dérangeant. Non, bah, la nuit des masques. Halloween, la nuit des masques de Carpenter, numéro 1, number 1, ultime chez nous. Bien sûr. Exact. Adrien, du coup, toi, c'est bon, tu... Oui, absolument. Alors, je commence par préciser, j'ai déjà dit, mais Halloween 3 est pour moi hors top, puisque je n'ai ni le même genre, ni la même saga, ça me paraît très difficile de le mettre dans le même top que les autres. Mais sinon, il serait plutôt vers le milieu. Voilà. Okay. Le pire, 10e place, Halloween 6. Alors, vraiment, il n'y a rien à sauver, rien à garder. C'est un très mauvais film, un TD film qui n'a aucune consistance. Ensuite, 9e, Halloween Résurrection. Quand même, on rigole un peu. Ouais. Mais bon, c'est quand même une grosse daube. 8e, Halloween 5. C'est un film qui n'est pas fini, mais qui a le mérite d'exister et d'être moins pire que les autres. Voilà. 7e, Halloween 20. Voilà, on a compris que j'étais pas très fan de 20 ans après. Parce que voilà, je trouve que c'est un film un peu assez prétentieux et pas hyper pertinent dans la mythologie. Vous vous stressez avec Halloween 20, ils disent. Oui, pardon, Halloween 20 ans après. C'est parce qu'il s'appelle H20, en fait. C'est pour ça qu'on fait l'erreur. En plus, en France, il s'appelle 20 ans après, il revient. C'est ça. Tu vois, donc c'est vraiment... Oui. Ensuite... Ah, attends, tu dis H20, il fut une époque où je disais H2O quand même. C'est quoi H2O? J'avais pas compris que c'était Halloween 20, voilà. Halloween H2O. Mais je vous jure, c'est vrai. Qui se passe sous l'eau, c'est un mini, c'est Aquaman. Aquaman Halloween. H2O. Ah oui, c'est ça. Alors, du coup, 7e Halloween 20. 6e Halloween 2 de Rick Rosenthal et John Carpenter. Oui, je suis désolé, je peux pas dire qu'il soit complètement Rosenthal. Ce qui est un film, voilà, qui est une suite très passable et dont les meilleurs moments ne viennent sans doute pas de Rosenthal. Ensuite, Halloween 4, 5e position. Pourquoi aussi haut? Parce que c'est un pur slasher et un film qui tient la route. Et malgré les quelques défauts qu'il a, la fin est osée, le film est bien réalisé. Je n'ai pas de gros soucis avec Halloween 4. Ensuite, 4e, Halloween 2018. Parce que voilà, je le mets assez haut dans le classement, parce que vous l'avez compris que j'aimais bien le défendre, et parce que je trouve que c'est un film qui est soigné en termes de réalisation, et ça c'est très très rare. 3e, Halloween par Rob Zombie, le premier. Parce que, voilà, pour ce que j'ai dit, à la fois parce que c'est un des meilleurs Halloween qui existe, avec une appropriation de la mythologie incroyable, mais à la fois parce que c'est un Rob, seulement 3e et pas plus haut, parce que c'est à la fois un film de Rob Zombie presque faiblard, parce qu'il n'y a pas encore cette inventivité et ce courage qu'il a eu dans les suites. 2e, et c'est là qu'il va y avoir un twist, 2e Halloween par John Carpenter. C'est un immense chef-d'œuvre, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et rien que pour l'introduction, il méritait d'être en premier. Mais en premier, j'ai mis un film qui n'est pas qu'une scène d'introduction et qui n'est pas seulement un chef-d'œuvre, mais qui est aussi mon film préféré de mon réalisateur de genre préféré et qui a tout vu, tout compris, et tout osé. C'est Halloween 2 par Rob Zombie, qui est, voilà, bon, je sais bien que ça fait grincer des dents. Il n'y a pas que vos dents, Axel et Morgan, qui grincent, à mon avis. Il y a aussi dedans des... Ah non, moi j'aime beaucoup Halloween 2. Le 1 est considéré comme intouchable, mais je trouve qu'Halloween 2 par Rob Zombie, il y a vraiment quelque chose de la compréhension de Myers et de compréhension psychanalytique qui est très rare dans le cinéma de genre américain, et une ambition formelle inégalable, je trouve, du point de vue du cinéma de Rob Zombie. Donc voilà, pour moi, Halloween 1, c'est quand même vraiment... Mais encore une fois, est-ce que c'est vraiment comparable avec Halloween de Carpenter? J'en suis pas tout à fait sûr. En fait, ils partagent tous les deux la première place pour des raisons différentes. Ouais. Ok. Donc moi, je vais mettre en... Du coup, je fais avec Halloween 3, oui, parce bien que sûr, j'ai bien un sûr, coup de cœur oui. pour lui, et du coup, je le mets. Donc en 11e, je mets Halloween 6. C'est pas une surprise. Ouais, ça, je pense c'est que tout le monde c'est vraiment d'accord. Le pire, ouais, là, voilà. Ensuite, en 10, Résurrection, parce qu'il m'a fait un peu rire, mais sinon, au niveau... Voilà. Là, ça va gueuler. Ouais. En 9e, Halloween 2018. Ah, en dessous d'Halloween 5, quand même, la vache. Ouais. Ah, c'est dur. Voilà. Ouais, mais j'ai vraiment été déçu. Alors peut-être que en le revoyant, en baissant mes attentes, etc., en termes ça de remontera. Cinématographie, en termes d'ambition formelle, c'est quand même pas. Non, comparable. Mais oui. Ouais, c'est vraiment, j'ai été déçu à fond et voilà, ça m'a. Voilà. Non, faut peut-être que je le revoie aussi en VO. Hein. Donc c'est pour ça, j'ai baissé d'un ou deux points parce que la VF, voilà. Mais ensuite, en huitième, Halloween 5. Parce que il y a quelques bonnes scènes, mais ça reste quand même un film bien débile. Et voilà, c'est quand même un petit peu plaisant à voir. Tu vois, genre, plaisir coupable. Halloween 5, c'est plaisir coupable. À partir de maintenant, c'est que des bons films. Voilà. Donc, en septième, malheureusement, qu'en septième, mais parce que j'aime beaucoup les autres après, Halloween 2, du coup, de Rob Zombie. Parce qu'il y a eu y a le côté un petit peu psychanalyse qui me plaît un peu moins, mais j'aime beaucoup toute la réalisation. Ah, plus bas que le quatrième et le deuxième, quand même, la vache. Ouais. Halloween 3 en sixième. Voilà, petit coup de cœur de la saga. Complètement. Tu vois, c'est le petit chiot inoffensif de la saga qui s'est fait battre sans raison. Et je trouve que, voilà, il est quand même sympathique. Ensuite, en cinquième place, le 4, parce que, comme tu as dit, en fait, c'est vraiment un slasher classique. Et étant grand fan de slasher, c'est vraiment. Et puis, il y a des bonnes scènes, il y a des bons plans. C'est haut quand même. Hein. Voilà. Ah, tu le mets très haut. En quatrième, Halloween H20, du coup. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce retour, surtout après le 5 et le 6, qui étaient vraiment. Voilà, enfin même le 5 ça va, mais le 6 au secours. Voilà, j'ai beaucoup aimé H20. Ensuite en 3ème Halloween 2, parce que y a toujours, comme t'as dit, il y a toujours un peu de Carpenter. J'aime beaucoup le fait que ce soit une suite directe. J'aime beaucoup aussi cet univers hospitalier, même s'il y a quelques clichés, etc. C'est beaucoup moins. C'était pas vraiment des clichés à l'époque, il faut le dire aussi. C'est ça. Ouais, c'est devenu des clichés depuis, voilà. Ensuite, en deuxième, Halloween de Rob Zombie. Ah, quand même, c'est quand même beau. Ouais. Ouais, c'est bien. Non, parce que voilà, parce que j'ai beaucoup aimé, j'ai été surpris. Et franchement, si le Halloween 2 avait pas eu, enfin, m'avait autant touché avec cette imagerie psychanalyste, il serait sûrement en deuxième. Donc tu vois. Mais en tout cas, le premier Halloween, je trouve, enfin Halloween Rob Zombie, je le trouve vraiment très réussi. C'est pour moi un des rares remakes qui est vraiment bon. Et qui propose quelque chose de différent, même si il rend quand même hommage. Oui, la différence n'intervient que dans le deuxième, c'est ça. Vraiment que dans le deuxième, c'est ça C'est ça. Voilà. Et en finale, bien sûr, on s'y attend. Mais c'est même pas un de mes films d'horreur préférés, c'est un de mes films préférés tout court. Halloween 6. Halloween, du coup, de John Carpenter, 78. Voilà, l'original, on n'a pas fait mieux depuis. Pour moi c'est mon film d'horreur préféré. J'hésite entre Massacre à tronçonneuse et celui-ci. Moi c'est quand même Massacre à tronçonneuse, notamment l'ambition formelle, ils sont quand même. Je pense aussi que c'est Massacre, même si je l'ai moins vu que le Halloween, donc du coup j'ai quand même un gros coup de cœur pour Halloween. Je recommande vraiment le nouveau Master. Le Master 4K, je l'ai vu au cinéma, j'étais en train de. Ouais, non, franchement, ça m'a retourné. Ça m'a retourné. Non, franchement, la prochaine fois, on fera peut-être un hors-série sur la série. Oh là là, il n'y a qu'un seul bon film quasiment. Oui, voilà, mais c'est clair, on sera moins élogieux là que sur Halloween, en tout cas, voilà, sur moins de films. Mais Halloween, John Carpenter, c'est pour moi un de mes films préférés tout court, sans compter le genre horrifique, donc voilà. Et ben, on a fini. On a fait combien de temps? On a fait 2h30. Ouf, 2h30. Oui, c'est quasiment aussi long ce qu'on ressent quand on regarde le Win 6, hein, quasi. Voilà, c'est clair. Surtout la Director's Cut, qui est encore plus longue. Mais du coup, voilà, je voudrais vous remercier d'avoir écouté jusqu'au bout. Du coup, j'espère que ça vous a plu. Merci à Adrien et à Morgane d'avoir participé dans cette longue aventure qui était Halloween. Ce hors-série sur la saga Halloween. C'est toujours un plaisir de vous parler. Et puis voilà, d'avoir tous vos avis là-dessus. Mais c'est intéressant parce qu'on a chacun un avis différent sur, enfin, on, pas sur, enfin, sur certains films, on a vraiment des avis assez différents. Et puis notre top est aussi assez différent. Ouais, c'est plus que ce que je pensais entre toi et moi, plus que ce que je pensais. Voilà. Tu vois. Donc non, c'est bien, c'est cool. Et puis voilà, on va finir en vous rappelant où vous pouvez nous retrouver, etc. Donc les critiques, etc. Les podcasts, c'est sur moviesnerd.net. Sur Facebook, Twitter, c'est moviesnerd. Enfin, sur Facebook, pardon, c'est moviesnerd. Et sur Twitter, c'est movies_nerd. Vous pouvez noter le podcast sur iTunes, sur PodCloud. Ça nous fait monter dans les podcasts francophones de cinéma et ça nous fait plaisir. Voilà. Et vous pouvez nous envoyer des mails à contact@moviesnerd.net pour toute demande, etc. Et puis, bah, je crois que c'est tout. Moi, je suis plus trop sur Twitter, mais je suis sur Sens Critique et sur MoviesNerd à TheLexal, THELEXAL. Voilà. Adrien, toi, avec tes différents podcasts. Ah oui, alors attends, parce que sur un podcast, il y en a qui est quasiment mort. Alors, voyons voir. Ah oui, c'est Adrien, vrai. Il est Four Horseman. Il est on partout, demande Adrien. Le retour de Four Horseman quand même. Mais Adrien, il est partout. C'est comme les gilets jaunes. Ah, vous l'avez dit, je l'ai casé. Voilà, bim. Ça y est, enfin. Putain, mais alors là, c'était vraiment le meilleur en termes de callback. Je te remercie, Morgan. Non mais du coup Adrien, alors ouais, alors vous pouvez me retrouver sur Twitter @ParkerMitty comme Peter Parker et Walter Mitty. Vous pouvez me retrouver mes critiques là, parce qu'en plus là je m'en mets à écrire sur smallthings.fr. Adrien Myers de la rue, hein, Myers comme notre ouais. personnage favori. Exactement. Oh, putain, alors, on l'a pas signalé. Mais... on avait un tueur avec nous. Du coup, bah, Four Horsemen podcast, j'aimerais bien le recommander, mais on n'a pas fait d'émission depuis longtemps parce qu'on a des galères dans le peu du temps. Vous pouvez pas imaginer. C'est oui, vraiment mais pas mais possible nous, de s'accorder. De toute façon. Donc, bah, ça, mais ça reviendra bientôt. Hein, on s'inquiète pas là-dessus. Ok. Donc, mais surtout, Serial Causer, notre émission spéciale ouais. série qui pour le coup continue à un rythme assez soutenu puisqu'on en est facilement à un toutes les deux semaines, voire toutes les semaines. Donc ouais, voilà. Contrairement à voilà. nous, c'est surréaliste. Ouais. Quoi. Ouais, donc voilà. On peut pas imaginer ce genre de choses. Voilà, Serial Causer, Four Horsemen podcast. Mais parce que vous êtes tous dans la même pièce aussi. Absolument hein, pas, absolument pas, c'est du Skype. Non ? Ah non, vous êtes ouais. pas. Je pensais. Et donc voilà, Parker Mitty, Four Horsemen, Serial Causer et Smallfield. Ok, très bien. Morgane. Et ben moi, on peut me retrouver sur Twitter. @Morgan, mm-hmm. Sur Facebook, Morgan Sheridan, sur Snap, M Cinémaniac, retrouvez-moi sur ça. Sur TikTok. Et... sur quoi sur TikTok? sur Instagram. Grindr. Ouais. Non, oh, voilà, arrête. La dernière fois, tu l'avais faite. Ouais, non, mais j'étais pas en couple la dernière fois. Hein, donc, non. Faut plus le dire. Non, je ne suis plus sur Grindr. Enfin, j'y suis jamais allé d'ailleurs. Non. T'as réussi à lui faire le dire, c'est un truc de fou. Non. Voilà, vous avez tout. Non, mais t'es sur TikTok. Non, je suis pas sur TikTok, non. Tout le monde a ça, mais. Non, mais c'est absolument. C'est le cancer, quoi. C'est... Mais. Bon. Et c'est tout enfin sur PSN aussi Mogo.Sheridan venez on joue à Fortnite. Moi je déconne. Et qui donne son PSN. Non, tu joues à Red Dead Redemption 2 en ce moment, j'espère. Voilà, parce ouais, que si tu l'as, c'est que t'es en train de jouer en ce moment, tu devrais être en train de jouer si tu l'as donc. Ah mais je ça fait 3 semaines que j'y joue et d'ailleurs, c'est mon copain qui me l'a offert pour mon anniversaire et je pense que à la prochaine Minute Nerd, je pense que je vais en parler parce que ouais, tu parles de la manière dont il a été fait aussi pour faire culpabiliser un peu les gens. Ah, oh, je savais. Oh. Oh, non, oui, oui. ouais, non, mais c'est ok. Du coup, ben voilà, on a fini. Merci encore d'avoir écouté. Merci à vous deux d'avoir participé. Et puis, ben, on se retrouve. J'espère prochainement pour un hors série saga parce que j'aime bien les faire. Inch'Allah, podcasts, même s'ils sont un peu longs. Voilà, Inch'Allah, Shabbat Shalom, tout ce que vous voulez. et du coup, je sais Marine plus Le Pen comment adore. Finir. Bah oui, non, mais c'est pour ça que je le dis. Hein. Et du coup, on vous dit à la prochaine pour une prochaine émission Movies Nerd. Salut. Au revoir. Au revoir.